Bonsoir, bon matin, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 61e épisode de l'Heure Gamer. Sébastien Bouchard, micro, et cette semaine, pour ce spécial d'horreur russe, j'ai une équipe teintée, pardon, de ce merveilleux pays, ou en tout cas, on verra bien. J'ai tout d'abord avec moi celui qui était sûrement là au cinéma lors de la première du Cuirassé Potemkin, Jean-François Tremblay. Salut Jean-François. Aidez-moi à soulever mes paupières. Bon, c'est pour ceux qui ne catchent pas là, le gag, c'est que ça veut dire que Jean-François il est vieux. Du Oui, Cuirassé Potemkin, c'est sorti en 1925. puis ma phrase, c'était parce que c'est dans la fin de vie qu'ils disent ça. Ouais. Okay, oui. C'était dans tes screenshots. Ah bon? Et. Ben, j'allais penser à quelqu'un d'autre, mais là, vous l'avez entendu. Elle a vaincu le coma éthylique suite à beaucoup trop de vodka. Vicky Langlois est avec nous. Salut Vicky. Hello! Tu vas Moi, bien? les Russes, j'ai rien à leur apprendre et ils n'ont rien à m'apprendre. Je vous laisse faire votre interprétation de ce qu'elle vient de dire. Et finalement. Il porterait un casque de poêle en autant que c'est écrit Horror Gamer dessus. Steven Lefrançois est avec nous. Salut Steven! Archnachiné. Je m'attendais rien de moins avec ça de toi. Ah, sorry. pour ceux qui comprennent pas l'analogie du casque de poêle, Steven arbore maintenant une très belle casquette Horror Gamer Yeah. officielle, mettons. Ouais. Hey, comment allez-vous, tout le monde en même temps? Super! Chaud? Oui, il fait chaud. J'ai Fait chaud. chaud. Mais est-ce que t'es chaude? Pas Pas encore. encore. Ok, Pas c'est ça. encore. Mais je suis ben trop, fait que tout mon rosé sue des pores de la peau. Ouais, c'est ça, là. Il va falloir doubler la consommation. Je fais beaucoup d'efforts, Sam. Je fais beaucoup d'efforts. Je sais, t'es toujours là pour donner ton maximum. Je donne mon 110%. Le rosé va faire effet. Il n'y a pas le choix. Yes, excellent. Hey, les amis, on a comme une bonne puis une mauvaise nouvelle aujourd'hui. J'ai l'air d'une joke de mon oncle. Est-ce qu'on commence par la mauvaise nouvelle, on va finir avec la bonne. Anton Yelchin Oui, un qui est Russe mort. d'origine. Ah oui, en plus, c'est ça, c'est que Oui. ça fit. C'est peut-être de notre faute. Qui... Fuck. Shit, man. Ben, j'espère que non. Si c'est ça, on s'excuse. C'est nous autres qui a enlevé son char de sur le parc parce que oui, il est mort écrasé par son propre char qui était sur le nœud d'une pente contre un mur de briques. En tout cas, c'est Ça a pas vraiment d'allure. triste parce que, comme tu disais, Jeff, c'est quand même lui qui nous a fait découvrir. Moi, j'avais eu des réserves, là, mais je sais que pour la plupart, ça avait été une découverte. Le Odd Thomas Oui. Mais c'est faisait le. Oui? Charlie Bartlett, tu sais. Charlie Bartlett, puis dans les nouveaux Star Trek, il joue Chekhov. Tchekov. Puis, ben, c'est ce genre de gars Il qu'on est aime. dans Green Room. Tu sais, moi, je suis allé voir au Oui, c'est cinéma pour vrai. Gamer Green Room et il vole la vedette. Fait que là, moi, je suis comme, OK, mais là, vous allez découvrir le film avec lui. Vous allez en vouloir plus. Ça sera pas possible. Je vis beaucoup de tristesse. J'ai C'est joué comme. aussi Kyle Reese dans Terminator Salvation. Pas forcément un film mémorable, mais il était quand même cool dedans. Puis tu sais, je savais qu'il n'y aurait aucune suite à Hot Thomas parce que ça n'a pas pogné, mais ça a tué toutes mes chances de n'avoir Non, là, énormément. oublie ça, là, c'est sûr que c'est Ouais, fait. c'est Puis ça, pour hein. revenir 2 secondes sur Chekhov, j'ai un de mes amis sur Facebook qui dit je m'attendais pas que ce soit ce Chekhov-là qui parte en premier. Parce que l'autre est encore vivant. Oui, c'est vrai, l'autre, il est rendu dans 70, 80, je sais plus Ouais. trop. L'autre, on parle de l'autre en terre? Le Chekhov des années 60, Walter Non, Koenig. OK. l'original de Star Trek. Oh, non, non, ouais. Moi, Tchekhov, c'est un auteur de Ouais. théâtre Ouais, russe, non. Non, non, non, non. Legend, là. Il est mort depuis un bout Non, lui, Mais là, il est. mais il semble qu'il devrait avoir 110 ans s'il est encore en vie. Je me trompe-tu ou je me trompe pas? Non, L'amourette, Tchekov, c'est ça marche pas. Ça marchera pas. Il ça, sera pas là avec nous là? autres. Il pourra pas faire Odd Thomas, Tchekov. Ouais, c'est ça, là. Mais 27 ans, c'est vraiment trop jeune. Ah non, c'est ça. Ah. Puis il joint le club des 27, c'est ça, Ouais, hein? ouais. Ouais. Mais bon, c'est juste. Je pense que c'est vraiment juste sa mort qui est plate. Les circonstances. C'est-tu la. C'est-tu plate, mais moi, j'ai pas d'autres mots. C'est comme tu regardes ça et tu te dis, il était vraiment dû, là, parce qu'il aurait pas dû mourir. Là, c'est quoi, il faisait la mécanique en ton char, c'est ça? Même... Il... Non, ça apparemment pas... qu'il aurait juste sorti de son char, je sais pas trop, il était derrière, puis le char a reculé sur lui, puis il l'a comme bloqué entre le... Il est comme resté bloqué entre le char puis un mur de briques, une boîte à mal en briques, je sais pas trop. OK. Je sais pas s'il a commencé, mettons, à... Il a embarqué dans son char, il l'a starté, il a enlevé le parc, peut-être, le bric à bras, je sais pas. Puis là, il a dit, ah, je vais aller chercher mon courrier, peut-être, deux secondes avant de partir. C'est ça, une de même. Puis le char, il a reculé dessus. Puis je sais pas s'il a reculé pendant que lui était. Mettons qu'il l'a reçu devant ou derrière. T'sais, mettons qu'il l'a reçu derrière, il s'est brisé la colonne direct. Je sais pas. T'sais. Ouais, c'est ça. On dirait quasiment une mort à la Final Destination. Puis il me dit, t'sais, la pente, oui, hein? La pente, était-tu vraiment à pic? Es-tu mort sur le coup? Ben, il a agonisé pendant un bout tout seul. Là. Non, c'est ça. Là. T'sais, puis en plus, imagine-tu, là, t'es en train d'agoniser. Puis là, tu te dis, je peux pas croire que ça va être ça. Là. Ben oui. Ah! Pour un oubli, pour une niaiserie. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est toujours moins pire que le gars avec son ampoule dans le bain, mais... Ça, c'est Claude François, je t'ai dit. Ouais. Ouais, ça, c'est... Mais, non, oubliez jamais votre bric à bras si je charrie dans une pente. Eh oui. Très puis, mettez les roues pas parallèles en diagonale. Yeah. Et, mais on a quand même une bonne nouvelle, là. On n'est pas là pour faire donner tout le monde, mais... Hey, on a notre Patreon a du succès parce que notre premier but, notre premier goal a été rempli. Donc, oh yeah. À partir de maintenant, on est autosuffisant sur le site. L'hébergement est payé. Donc, il n'y a plus de pubs sur le site. Yeah! Woohoo! Merci tout le monde. Merci. J'applaudis. Non, mais sérieusement, c'est vraiment une belle surprise. Là. C'est vraiment très, très hot de pouvoir dire que... enfin, on met plus une scène sur Horror Gamer. L'argent qu'on va mettre dessus maintenant, ça va être pour améliorer le podcast, l'équipement et tout ça. Donc, continuez à donner. Il y a encore d'autres buts qui sont là pour vous. Puis, je sais que les patrons, les patrons, appelons-les nos patrons, ont décidé de ne pas être nommés vraiment dans le show, même s'ils ont donné pour des shout-outs. Donc, c'est encore plus honorable de leur part. Mais on a toujours notre top 10 des patrons sur notre site, des donateurs. Donc, ils sont quand même là. Vous pouvez les voir et leur faire un thumbs up en les regardant. Thumbs up! Yeah! Puis vu que ça s'appelle Horror Gamer, puis ben, on dit pas des patrons, on dit des boss. Que des, comme des jeux vidéo. Ah, c'est bon. C'est bon. Des boss. C'est nos boss. Les boss. Pas Buzz Lightyear, l'autre, là. Woody? Non, mais c'est ça, des boss, là. C'était Buzz... c'était juste Buzz avec la coquille de carapace dans Mario Bros? Buzzer! C'est ça que je cherchais. C'est nos Buzzer? Ouais. C'est nos Buzz. Ça pas aussi méchant. Non, il est full nice. Il est juste incompris. Puis, ouais, ah ouais, mais je pense qu'il veut capturer la princesse. Fais attention. Christy! Il va pas me renvoyer assez vite. Reprenez-la! Chris de folle! Dans Mario, il lance des coquilles, mais dans mon monde, il me lance moins de con. Il est soit-temps! C'est Chris de chaise, puis capable, il y en a partout! Elle veut encore que je teigne des chaises! Pour bon, ceux ben, qui ne comprennent pas, on l'expliquera plus tard. Bon, peut-être. Ben, sinon, parce que c'est pas dans Rock and Roll, j'ai parlé des chaises, hein? Je sais, justement, mais ça reste encore plus mystérieux, tout ça. Mm-hmm. Non, parce que... Les chaises du restaurant Vicky, ils ont du travail à faire et Vicky ne fait que ça, c'est aussi. Puis, si on était tous ensemble, on serait en train d'enregistrer un podcast en travaillant sur des chaises. En peinturant des chaises. Ah non, j'ai invité des amis, ça a pris genre de... On a commencé à 5h, à 11h, on avait juste fini de sabler. C'est atroce, il y en a. Mais c'est parce que, tu sais, on veut ouvrir avec des choses pas trop chères, fait qu'il y a du travail à faire, on les paye pas cher. Non. En même temps, les peintures, puis on les vernit de la couleur qu'on veut, fait qu'on crée notre identité avec les chaises, mais quand t'as 42 chaises à peinturer, c'est long. Ouais. 42 chaises parce que 42 places ou parce qu'il y a d'autres... Non, j'ai 90 places en tout. Okay. Mais j'avais 42 chaises à faire, puis cette semaine, puis là, ceux-là, pour que les gens comprennent un peu, j'en avais parlé durant le bras de fer que j'avais écouté Mars Attack en peinturant des chaises, puis cette semaine, j'ai reçu un lot de 4 chaises sur la photo qui Gigi était impeccable, super propre. On est allé les chercher, ils étaient tous écaillés. Mais il était vraiment pas cher, puis il était super solide. Fait que je les ai gardés quand même, je les ai sablés, puis là, c'était ça. Là, fallait... Il me restait ces quatre-là. C'était pas prévu, j'étais censé avoir fini. Puis, mais il me restait ces quatre-là à faire, parce que je les ai eu cette semaine. Mais c'est pas grave. Ils sont vraiment belles. Je suis rendue une pro. C'est sûr. Vraiment. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller ou on a d'autres choses à ajouter? Non, je pense que ça fait 10 minutes de podcast et on n'a pas encore dit de quel film on parlait. Fait que... On s'en fout! Ah oui, non, c'est vrai, il y en a qui donnent des conseils qui diraient que c'est vraiment décevant. Il ne faut pas dépasser 5 minutes sans avoir au moins dit les... Mon Dieu, après 5 minutes, on n'a pas encore dit notre sujet. Je pense qu'on a perdu 30 personnes au moins là, déjà. C'est sûr et certain. Là. Check bien notre nombre d'abonnés baissé. Ah non, c'est un spécial russe, on l'a dit. Donc aujourd'hui, on va parler des films vie. Et on va dire The Devil's Pass, mais il y a aussi un autre nom comme The Dyatlov's Pass. Incident, je pense, ouais. Ouais. On en rejoint ça tantôt. Mais c'est pas le film avec Eddie Murphy et Martin Lawrence, là. Hein? OK, non. OK. Bon, ben, je pense que c'est le temps d'y aller avec vie pour que Steven comprenne de quoi on va parler. Hey boy, que tu me mélanges, là. On s'en va à vie. Bon, ben on commence la première partie avec « Vie » de 1977. C'est un film russe. J'hésite à considérer ça comme un film d'horreur, même si on l'a choisi pour notre podcast d'horreur. Mais c'est plus une comédie d'horreur, en fait. Thématique d'horreur, en tout cas. Ouais. Attendez, on va en parler. C'est basé sur un conte de Nicolas Gogol, qui est un auteur célèbre en Russie. C'est réalisé... Gogol... L'ancêtre de Google. Arrêtez de couper JF, ça, c'est vraiment pas correct. Il est même pas capable de faire un résumé. Puis c'est réalisé par Constantin Erkov et Georgi Kropachev. Désolé pour la prononciation. Georgi. C'est l'histoire, je vais utiliser le nom que j'ai ici devant moi sur Wikipédia en français, de Coma Brutus, qui est un philosophe. Puis avec ses deux amis au début du film, ils s'en vont dans une auberge, ils rencontrent une vieille madame qui s'avère être une sorcière. Puis après que la sorcière ait chevauché Coma, il a survolé le paysage avec lui, mais il va la battre parce que c'est une sorcière. Puis il va être responsable de sa mort. Et juste avant de mourir, la sorcière, qui en fait était qui était déguisée sous la forme d'une jeune femme, demande à son père, lui dit, ben je voudrais que ce soit lui qui vienne veiller sur mon corps après que je sois morte, puis qui vienne prier pendant 3 nuits. À la petite chapelle. Fait que Coma ne veut vraiment pas le faire parce qu'il sait qu'il est responsable et qu'elle va sûrement vouloir se venger de lui, mais à cause de l'argent, décide d'y aller pareil. Il se fait convaincre à cause avec 1000 pièces d'or puis tout. Fait qu'il va y aller puis il va passer 3 nuits dans la chapelle, mais 3 nuits infernales, mettons. Et donc, c'est un peu ça le résumé. Allons-y avec nos opinions. J'aimerais ça que tu commences avec la tienne, JF. OK, ben j'ai proposé le film parce que j'ai vu ça il y a une dizaine d'années. J'avais loué ce film-là, puis j'avais trouvé ça... Tu l'avais loué? Première T'as vidéo déjà vu ça, puis tu voulais le revoir? Première vidéo à Chicoutimi, ouais. Première vidéo avait ça? Je suis pas mal certain que c'est là. En VHS, en bêta? DVD. DVD? En 16 mm. DVD sorti en 2005. Oui, DVD sorti en 2005, je pense. Seb, c'était une série de diapositives, tu faisais le film toi-même. Tu faisais assez vite, tu bougeais. C'est ça. À soir, c'est « On est qu'un JF ». Oui, c'est ça. Sébastien, toute la semaine, C'est un livre illustré que tu faisais... Sébastien, il a écouté le film au début de la semaine, ou en tout cas mardi ou mercredi, puis depuis ce temps-là, il n'arrêtait pas de nous dire « Ça va être le fun comme épisode ». Puis il n'arrêtait pas de dire ça, puis je me suis dit « Ok, ben, je sais pas quoi penser de son commentaire. Il a-tu haï ça? Il a-tu aimé ça? » Je me suis dit « Ben, j'ai hâte de le revoir ». Puis quand j'ai écrit ça, il fait « Vraiment, JF? Vraiment? T'as hâte de le revoir, tu sais? » Mais dis la même affaire à Steven. Steven, il dit, ah, moi aussi, j'ai hâte de l'écouter. Il dit, vraiment, Steven? Vraiment? Fait, OK, je pense qu'on connaît l'opinion de Seb. Là, mais, OK, tu sais, je chie sur bien des films qui sont peut-être de meilleure qualité que ça, mais il y a quelque chose là-dedans que j'haïs pas. Je reconnais tous ses défauts. OK, le film, les mauvais effets spéciaux, parce qu'il faut le dire, là, c'est souvent fait devant un green screen, devant une projection, tu sais. Les gens courent, ça fait un peu Looney Tunes parce que le décor fait juste bouger derrière eux autres, puis c'est ridicule. Des fois, c'est le sol qui bouge, puis ils font juste un peu, tu sais, en tout cas, ça fait juste des tourner. Des fois, c'est une roulette autour. Ouais, c'est ça. Le décor est sur une roulette. Exactement. C'est juste les mêmes arbres qui repassent dans près 5 secondes. Ah, ça fait pierre à feu, là, t'sais. La musique aussi. Le jeu est très... Parfait. très farfelu. Puis c'est ça, moi je ris tout le long. Ça dure une heure et quart, c'est vraiment pas long. Là. Puis moi je ris tout le long, c'est drôle. Mais il y a quand même une finale, avec plein d'effets spéciaux un peu. Je trouve quand même originaux pour l'époque. Puis, parce que c'est un film russe, puis c'est un des premiers films d'horreur russe, selon si on se fie à Wikipédia. Puis ça a eu un gros, gros succès à l'époque. Fait que, moi, ce que j'ai. En le revoyant cette semaine, je me suis dit, il y a un problème. Le gros problème, je pense, c'est que c'est un conte populaire là-bas, c'est un conte connu. Je pense que Gogol a pris ça dans le folklore, dans les contes populaires, puis c'est pas lui qui l'a inventé nécessairement. Je pense qu'il a juste écrit, fait que c'est lui qui a obtenu la gloire de ça. Se l'est approprié. C'est un conte que les Russes connaissent, mais que nous, on connaît pas. Fait qu'il faut. Le problème avec ce film-là, c'est qu'il faut arriver là avec ce bagage-là, puis si on l'a pas. On a de la misère à comprendre c'est quoi l'intérêt, puis on a de la misère à nous le vendre un peu. Puis le vie, on sait pas ce que c'est avant les 5 dernières minutes, puis il dit jamais vraiment c'est quoi. Ils font juste nous l'annoncer, vie s'en vient, puis c'est comme, oh, mon Dieu, vie s'en vient, puis tout est là, en occidentaux, là, en occidental, t'es là, mais je comprends rien, c'est qui vie, tu sais. Si je suis supposé avoir peur de vie, tu sais, en tout cas. Ça, c'était un gros problème pour moi, puis. Mais c'est ça, moi, j'apprécie quand même le côté un peu loufoque du film, le fait que tout le monde est chaud tout le temps, puis ça me fait rire, ils sont tout le temps ivres. C'est sûr que les effets spéciaux, le côté cheesy, ça empêche de ça pourrait être 100 fois mieux le film, on s'entend là, que ça pourrait être vraiment mieux que ça. Mais j'aime quand même les 10 dernières minutes avec les effets spéciaux, là, je me dérange pas vraiment de spoiler, mais il y a plein de créatures qui apparaissent dans l'église où ce qu'il est, puis des grosses mains géantes que moi j'adore, ces mains géantes-là, puis il y a vraiment des effets, des trucages que j'adore. Là, puis quand la sorcière, elle se soulève de son cercueil, je vois pas les fils, rien, j'aime bien comment c'est fait, puis tout, puis j'aime bien comment le cercueil vole partout, puis même si c'est pas des gros effets spéciaux géniaux, mais ça reste qu'il y a un charme là-dedans dans la manière que c'est fait que moi j'apprécie, tu sais. Mais j'aime les affaires vieillottes, fait que j'aime mieux ça qu'un film en CGI, puis j'en parlerai peut-être tantôt, mais j'ai vu aujourd'hui la version CGI de 2014, parce qu'il existe... Ouais, je veux que tu nous le dises, ouais. Il existe un vide 2014, fait que je vais en parler, mais... moi, j'ai... Apparemment, c'est différent, donc c'est... Très, très. Ouais. Ben, c'est un genre de semi-remake puis un sequel en même temps. C'est un peu comme Evil Dead 2. Les 10 premières minutes, c'est quasiment un remake de vie. Puis après ça, on suit l'histoire 9 mois plus tard, après que Thomas ou Coma Brutus, ça dépend des versions, des fois c'est Thomas Brutus, une fois qu'il a vécu cette aventure-là, 9 mois plus tard, il y a un gars, un Anglais, qui vient, puis qui va finir par... comment est-ce que je dirais ça? Ben, il vient pour cartographier la place, pour faire les cartes de la place, puis... Puis il va tomber sur ce village-là, puis où il y a ces croyances-là, puis tout, puis il va être confronté à tout ça aussi, puis à ces démons-là, puis c'est intéressant. Je trouve que le film, au début, je m'en foutais du remake, là, je parle encore du film de 2014, je m'en foutais totalement, je me disais, ah, c'est un CGI fest, c'est en 3D en plus, tu le regardes sur une TV en 2D, puis toutes les affaires te viennent à l'écran tout le temps, puis c'est ces gimmicks-là, comme Jaws 3, comme Jason 3, c'est tout le temps de même, là, tout le long du film. Puis à un moment donné, j'ai comme perdu intérêt dans le milieu. Puis vers la fin, j'étais rembarqué dedans. Puis là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on critique un peu les gens, les peuples un peu primitifs qui ont des croyances folles puis qui vont s'entretuer puis qui vont virer fou à cause de ça. Puis c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis la manière que ça finit, j'étais vraiment, vraiment dedans. Puis ils ont annoncé qu'ils sont en train de tourner une suite en ce moment. Fait qu'il va y avoir un V2 bientôt. Fait que je suis intéressé. Puis j'avais jamais vu de film récent russe d'horreur comme ça ou de science-fiction. Mettons que c'est plus... c'est plus fantaisiste, là. C'est pas vraiment de l'horreur. J'ai jamais eu peur dans la vie, ni dans le premier, ni dans celui-là. Fait que... Ça a tellement sonné bizarre. J'ai jamais eu peur dans la vie. J'étais comme, t'as peur, t'es bien. C'est dur. T'es bien fendant. J'ai jamais eu peur dans la vie. Moi, je suis un tough. Mais. C'est quoi? C'est les Caucasiens qui disent qu'ils peuvent pas avoir peur. Pas les Caucasiens, les Cosaques. Les Cosaques. Fait que c'est un Cosaque. Tu as fait un Cosaque. Jack, tu parles de l'être le son. Cosaque. Non, les Cosaques, c'est ça, c'est le gars dans le film. Le peuple russe, c'est des Cosaques. Ouais. Donc, t'as-tu écouté La Vie, Steven? Oh, oui, je l'ai écouté en esti, La Vie, oui. Puis c'est très rare que je vais dire ça sur Eurogamer, puis on n'en fait pas la promotion, mais à l'époque, le 10 ans, j'avais copié le DVD. Puis j'avais... c'est con, parce que pour sauver de l'espace sur mon DVD, quand je l'ai copié, j'ai juste copié la track en français, idiot que je suis. Fait que moi, je l'ai écouté en russe, puis... Mais tu sais... Seb, il me dit que la version sur YouTube, il manque des sous-titres. Après l'avoir écouté, il me dit qu'il manque peut-être des sous-titres, il est pas sûr. Fait que j'ai fait, bon ben focus, je vais écouter la version en version français, française sur mon DVD. Puis c'est quand même comique, les voix sont comiques. Attends un peu là. T'as copié un DVD de Club Vidéo, fait que comme la mort des Club Vidéo, c'est de ta faute. Exactement. Fuck, c'est okay. Vraiment toute la faute à Steven. Je voulais quand même qu'on fasse le même. Tu m'y es-tu, là? Steven, s'il y a quelqu'un ben, écoute, qui réanime les Club Vidéo, c'est pas Steven. Ben non, justement, Steven, il achète tous les films, il en loue aucun, c'est de sa faute. Imagine s'il louait tous les films qu'il achetait. Les Club Vidéo seraient... À chaque fois qu'il les réécoutait, il reloue encore. Ce serait malade, les Club Vidéo rouleraient sous l'or. Ah, désolé. De toute façon, je suis peut-être le seul qui l'a loué, vie. La seule personne qui l'a loué l'a copié. Mais Jeff, je pense que mon compte employé existe encore dans ce Club Vidéo-là, fait que je vais essayer d'aller voir dans la fiche du film. Je suis presque certain que c'est là que je l'ai pris. Presque. Je suis pas sûr. Mais non, c'est ça. Il y a quelque chose qui me charme là-dedans. J'aime l'acteur principal, même si c'est pas un grand acteur, mais j'aime son jeu comique. Il est plus comique. T'sais, on s'entend que c'est pas un film d'horreur. J'ai jamais eu peur dans ce film-là. Mais il y a quelque chose qui me charme, surtout dans la finale. Mais j'ai plus apprécié à la deuxième écoute. J'étais plus dedans que la première fois. Parce que la première fois, je me rappelle que la première moitié m'avait vraiment emmerdé. Tandis que là, j'étais plus dedans. Je me suis forcé à plus suivre un peu. Puis en ayant vu la nouvelle version, puis tu sais, là, j'apprécie plus le conte. Puis j'ai vraiment envie de le lire. Puis il y a quelque chose qui m'intéresse. Mais je pourrais pas vraiment l'expliquer. Tu sais, si on aime ou on n'aime pas dans la vie. Puis. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher, mais comme je dis, c'est pas un grand film, je le reconnais, là, c'est vraiment là, très très léger, je le recommanderais, bon, on le dira tantôt, là, parce que... Mais hey, wow. Non, c'est ça, je le dirai tantôt, mais c'est ça, attendez-vous pas à avoir peur quand vous écoutez ce film-là, puis c'est ça, je vais vous laisser continuer, puis j'en parlerai après, là, tu sais, on verra. Hey, j'ai le goût d'y aller. Oui. Ben, on attend juste ça. Alors, je vais continuer après Jean-François. Ah ouais, parce que je sens qu'il y a comme quelque chose. Moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir quand j'allais voir Vie. Je ne m'attendais surtout pas à voir une vieille bonne femme sur le dos d'un homme qui fait du piggyback là-dessus. Puis que tu te dis, cette vieille bonne femme-là est une sorcière. As-tu l'air d'un homme ou c'est moi qui rêve? Ouais, je suis pas mal sûr que c'est un vieil homme qui a... Ça, j'en reviendrai. D'accord. On est loin de The Witch en termes d'apparence sorcière. On est très loin de The Witch. Même très loin de The Witches. Malgré que dans The Witches, il y avait des hommes en arrière-plan. Moi aussi, j'ai cru que c'était un homme qui Je m'attendais pas non plus à voir une mime morte vivante. Ok. Puis là, je lance des trucs comme ça. Puis tout ça pour dire que je me suis amusé, moi, pendant la vie. Et j'ai eu la même opinion que Jean-François. Non, je pense que j'ai rapidement embarqué dans l'esprit de vie. Au début, j'ai comme fait « Shit, ok, ça va être lourd parce que là, je vois du monde prier, c'est un peu long. » Dès qu'on voit du monde pleurer, là, quand la fille justement, la sorcière est morte, on voit des madames pleurer, puis il y en a une à côté, on dirait qu'elle rit là, à droite, là, elle est vraiment morte de rire. Ouais, il y a une couple de passes de même. Que, tu sens son époque, mais il y a vraiment des scènes qui m'ont foutrement amusé et satisfait amplement. Toute la scène du début avec la sorcière, dès qu'il arrive, qu'il la rencontre, puis que lui, il va se coucher dans un genre de... dans l'étable ou je sais pas trop quoi, en tout cas dans la grange, puis qu'elle apparaît, puis qu'elle fait un petit jeu de coucou. Puis coucou. Moi, j'étais comme... Je ris, mais en même temps, je freakerais ma vie, là, à être à la place du gars. Là. Je triperais pas, là. Il y a une femme qui est peut-être probablement un homme qui est... Je confirme, sur Wikipédia, c'est un Nicolas, fait que c'est souvent ouais, un homme. Hein. Ouais. Ça me... J'étais comme... Je me sentirais pas bien non plus, tu sais. Puis il y avait de quoi dans son jeu, là. Puis... Mais sauf que c'est ça. Le fait que ça devienne tout de suite, hein, j'embarque sur tes épaules, puis on part. Vas-y, cheval, U. Puis là, le gars, il part à courir. Finalement, ils partent à voler. Tout ça avec le décor qui tourne en rond. Puis que quand il atterrit, c'est comme, va te battre à mort, ma maudite! J'étais comme, what? Ça, sur le coup, je comprenais pas. Puis après ça, après 5 minutes, tu sais, année, j'ai posé sur pause, j'étais à la toilette. Puis pendant que j'étais à la toilette, j'ai repensé, j'ai comme, fait, mais c'est parce que c'est un catholique, c'est un chrétien, c'est un gars qui croit vraiment trop à religion, puis c'est une sorcière, c'est juste ça. Oh oui, carrément, c'est ça. Puis c'était comme, il n'y avait pas de surprise ou quoi que ce soit. C'est comme, shit, je viens de rencontrer une sorcière. Dès que j'ai l'occasion, je la tue. C'est comme tuer une mouche avec une tapette à mouche. C'était carrément, là, c'était gratuit soudain et. tu sais, t'as pas senti aucune remise en question de la part du personnage. Et c'était comme, what? Puis, bon, après ça, que le fait qu'elle soit finalement une belle fille, ou en tout cas qu'elle se transforme en belle fille, peu importe, je sais pas c'est quoi son apparence réelle. J'imagine que c'est la belle fille parce que, je veux dire, son père. Moi, j'aurais pensé que c'était la vieille. Ouais, mais son père, Ah, ouais, mais elle se fait passer pour une jeune fille, peut-être. Ouais, fait que lui, il pense que c'est sa fille, mais c'est ça une vieille qui se fait passer pour sa fille. En tout cas, peut-être qu'elle a tué sa fille puis elle se fait passer pour elle. Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais quand j'ai vu un peu, c'était quoi le plan de. Ok, il a tué la sorcière, puis elle a demandé à son père de le demander lui pour qu'il vienne la veiller pendant 3 nuits. J'ai fait, oh, c'est creepy comme histoire, c'est vraiment creepy. Ouais. Évidemment, tu sais, je savais qu'il n'y aurait rien probablement d'épeurant là-dedans. Là, tu sais, on pouvait espérer peut-être quelque chose comme The Hunting ou House on Haunted Hill à l'époque. Là, tu sais. C'est peut-être le max qu'on pouvait avoir. Puis c'est pas mal le max de ce qu'on a eu. Mais les scènes, même entre les scènes de hantise, si on veut, ou en tout cas les nuits que le gars passait là-dedans, il y a des trucs qui m'ont vraiment diverti. Justement, comme tu disais, Jeff, le fait que tout le monde est sous, puis que. Tu sais, que. Il y a comme une drôle d'ambiance, là, de. T'es pogné ici, puis on te laissera pas partir. Si tu pars, on va te tuer, ou on va. Je sais pas trop, c'est quoi une menace. Ah, c'est quoi déjà? Pas, on va te brûler, ou je sais pas trop. Ouais, on va te torturer, probablement. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, tu sais. C'était de la voir, elle, après ça, la sorcière, pendant la nuit, qui se lève de son tombeau, puis comme je disais tantôt, qui fait un peu la mime, parce qu'il y a un champ de force autour de lui, puis qu'elle fait semblant d'être pognée sur le champ de force, elle fait juste mettre ses mains devant elle, comme une mime. Mais, autant qu'il y avait ça qui était ridicule, autant que je sais pas exactement comment ils l'ont fait, mais j'ai l'impression que c'est des images superposées, où ce qui a vraiment foncé dans le genre d'une vitre, ou quelque chose comme ça, puis tu sentais vraiment qu'elle avait quelque chose qui la bloquait. Puis j'étais comme, waouh, c'est. Autant c'est fait ridicule, autant qu'il y avait des plans qui étaient faits pas si mauvais que ça, tu sais. Ouais. Fait que ça me gardait quand même tout le temps un peu diverti. Puis comme tu as dit, Jeff, les dernières minutes, avec toutes les créatures qui apparaissent, moi à ce moment-là, j'ai fait, mais voyons, c'est ça que ça me prenait plus, là. Tu sais, les créatures étaient fun, là. Était un jeune en 67, ou même un adulte, oh, ouais. j'aurais capoté, j'aurais battrippé. Je parle pas de vie, la créature, on en reviendra de ça, mais ouais. On parle du reste, là. Bon, on peut en revenir. Vie, la créature, c'est qu'elle est. Elle est vraiment là. C'est la pire de on toute dirait la le gang. Shit monster dans Dogma, là, tu sais. Ouais. Une petite air à ça, c'est... là. Toutes les autres, c'est des costumes, c'est des maquillages. Il y en a qui sont super bien faits. Il y en a d'autres que, bon, ça laisse à désirer, mais quand même. Tandis qu'elle, c'est vraiment une grosse marionnette mal faite. On dirait quasiment qu'il y a des bouts qui vont y décoller. Puis elle n'est pas trop animée. C'est comme une grosse patente qui avance. C'est comme. Les mains géantes, puis les bonhommes qui grimpent ses murs. Ça, j'adore oui. ça. Je trouve ça tellement bien fait. Il y avait des trucs qui étaient super bien faits. C'était vraiment original, mais tu sais, c'était comme tout garoché dans les 5 dernières minutes. C'est. Dommage, parce que c'était des oui. images qui étaient quand même puissantes. Tu sais. Parce que je t'ai rendu, il dure quoi, 1h10? Puis à 1h, on n'avait même pas encore passé à 3e nuit. J'étais comme, mais c'est... Moi, dans ma tête, c'était plus long que ça. C'était quasiment une grosse demi-heure, mais là, finalement, c'est juste 10 minutes. Tu sais. Même 5 minutes peut-être à la fin. Tu sais. Ah, carrément. J'ai aimé le prologue, épilogue. Oui, les deux bonhommes. Les deux bonhommes qui se parlent, puis font comme, hey, tu mords? Je sais pas, il est peut-être mort. Alors, je sais pas. C'est peut-être lui là qui s'en vient, là. Il est peut-être pas mort. C'est weird à parler, mais je trouvais ça amusant. Et fait cocasse, ceux qui ont déjà vu les 12 travaux d'Astérix, un des travaux, c'est le gros monsieur d'abord, le lutteur russe là, qui fait du judo, je sais pas trop quoi, là, qu'Astérix se bat contre. Là. Mm-hmm. Ben, il y en a un dans la gang, je vous enverrai une photo, là, mais. Il y en a un dans les gars sous, là. J'ai vraiment arrêté, j'ai écouté avec ma blonde, j'ai dit, check, c'est le gros monsieur d'abord. C'est le. Elle était comme, mon Dieu, c'est exactement lui. Il est pareil, c'est vraiment très, très. Mais drôle. Le barbier du village, moi, je le mettrais dehors. Il y a juste une coupe de cheveux qu'il est capable de faire. Hein. Ah, ça, c'est drôle. C'est l'ancêtre de la coupe champignon, là. Ouais. C'est encore pire. Mais non, c'est ça. Je pense pas que je vais le Non, j'attends. J'attends ma recommandation. Excusez, je pars trop loin. Mais j'aime le fait que. J'aime les petits détails, des fois, quand ils disent dans le quand ils ont des discussions, le monde, puis ils disent « Ah, toutes les femmes, c'est des sorcières. » J'aime cette attitude. Oui. J'aime voir ce petit côté historique-là. Yeah, yeah. Il y avait de quoi dans ces personnes-là? Là. Ouais, c'est ça, dans les vidéos, puis tout ça. Le personnage principal, puis ses amis, c'est des séminaristes, puis ils se prennent pas pour de la merde. Au début, ils arrivent à l'auberge, c'est comme « Ah, on couchera pas nulle part. Des séminaristes comme nous autres, ça couche pas nulle part. Faut qu'ils nous hébergent, puis tout. » J'aime leur attitude. Là, Puis, mais je dirais une chose, une chance qui dure 1h10. Oui, oui. C'est un gros maximum. C'est un gros maximum. C'est un peu le problème du remake qui dure 1h50. Même il y a une version de 2h10 que j'ai pas vue, mais celle sur YouTube, elle dure 1h50, puis c'est trop long. Non, je te crois là-dessus. Steven, Vicky, qui veut se battre pour le... Vicky qui fait une passe à Steven. Steven, il dirait que sa palette est reçue, Avec la palette de casquette, c'est reçu! Que t'as pas de Vicky, ça va peut-être être une de mes opinions les plus courtes dans toute l'histoire de Rogamer. Je t'aime. En fait, moi, quand j'ai vu les opinions de Seb qui étaient comme vraiment, t'as vraiment hâte de voir ce film-là, j'ai fait, donc, c'est quoi la réputation de ce film-là? Je suis allé voir sur IMDb, tabarouette, il y a quand même 7 points cuc. Puis c'est quand même considéré comme un classique, puis tout le kit, je suis comme, non, ok, je m'en vais pas voir une farce, là. On va écouter un classique que j'ai loupé. Eh bien, quand j'ai commencé le film, après 20 minutes, j'étais comme, tabarnan, je savais pas qu'il existait une version horrifique des trois Stooges. C'est comme, c'est vrai. Parce qu'au début, tu fais juste suivre les trois qui sortent du monastère, puis c'est vraiment une joke. J'ai pas trippé sur la première moitié du film. Je trouve que c'est bouffon, bordélique, ça va dans tous les sens. T'as les gars qui sortent du monastère, puis ils ont pas l'air sérieux ou mature pour deux scènes. Ils courent tout partout, ils tirent après les femmes comme si on était sur le bord de la violée. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste vraiment agir en petit enfant. Puis j'avais aucune idée dans quoi ça s'en allait. Puis au début, ils vont rencontrer l'espèce de petite vieille dans l'auberge. Puis comme Sébastien, j'ai comme fait... C'est ça une sorcière? Une sorcière qui veut faire du cheval avec un être humain, puis même qui rajoute des bruits de cheval par-dessus juste pour amplifier ça. Puis elle s'envole dans les airs en même temps. Puis j'étais comme, oh non, ok, c'est vraiment mauvais. Puis moi, je riais, je l'avoue, j'avais du fun, mais j'étais comme, c'est vraiment mauvais, je pige vraiment pas. Fait que j'ai pas envie de m'éterniser sur la première moitié que Seb a quand même dit. Et à partir de la première nuit, quand ça décolle, là, j'ai commencé à comme faire. Ok, là, le film m'intéresse, puis je pense que c'est là que le potentiel y est. Déjà, visuellement, je pense que les qualités techniques et réalisation, on voit ça un coup qui sont dans les nuits de l'espèce d'auberge ou de moulin, je suis sûr. Ça me rappelait beaucoup du cinéma italien, ça faisait très Mario Bava, Dario Argento, il y avait des jeux de couleurs, puis j'aimais vraiment ça, surtout l'allure de la sorcière jeune, comme m'avait dit GF, Mario Bava s'en était beaucoup inspiré, je pense, pour... Son Black Sunday. Black Sunday. Ouais. Fait que ça me plaisait beaucoup. Puis là, on était plus dans un ton un peu plus sérieux, puis le côté bloufoque a disparu, même si on peut rire de certains effets qui ont vieilli, évidemment. Mais moi, je trouve que les effets dans cette place-là sont quand même réussis. Puis comme GF, j'étais comme... Donc, je vois pas des fils, ils sont où les fils? C'est quand même bien fait pour un film de l'époque. J'aime la caméra qui tourne autour du personnage principal, qu'il est sur son pupitre, puis tout, des effets de même, j'aime vraiment ça. Il y a trop de 360 là-dedans, mais quand il est bon, il est vraiment bon, mais il en abuse extrêmement, puis que ça soit quand il court sur un... Tu sais, les jeux de parc, tu t'assis pour tourner en rond, tu tiens pour un barreau, mais c'est ça qui court là-dessus avec des petits buissons. Tu sais, je trouvais que ça arrivait trop souvent, c'était inutile. Mais je parle surtout dans Chapelle, là, quand ça... Ouais, ben toutes les fois qu'il est dans son cercle, dans le fond. Là. Je pense sur les trois nuits, ça l'arrive trois fois, justement. Ouais, je pense que oui. Mais ça m'a beaucoup plu. Puis j'aimais un peu le côté que c'est lui qui vient sur la tombe pour veiller les nuits, mais c'est lui en même temps qui l'a assassiné, puis que c'est le père de l'autre qui l'a demandé à lui, vu que le corps, il a précisé son nom. Ça, je trouvais que ça l'a lancé un petit côté creepy. Puis c'est ça qui est cool dans les trois nuits, ça a une atmosphère vraiment... lugubre, sans forcément être trop malaisant. Je crois que le film, justement, peut-être à cause de l'époque, va pas à son plein potentiel. Et là, arrive la troisième nuit, que là, je pense, c'est le clou du spectacle. Puis à partir de là, j'ai comme fait, asti que c'est écœurant. Puis t'as tellement de créatures qui arrivent en même temps, des plans qui descendent comme des murs en quatre pattes, mais ils bougent de manière vraiment creepy. Puis ça me faisait, il me rappelait les créatures de From Dusk Till Dawn, toutes les vampires à la fin qui arrivent dans le bar en chauve-souris. Il y avait un côté creepy là-dedans comme ça qui me rappelait ça. J'aimais beaucoup. Puis à la fin, j'étais comme, waouh, c'est vraiment un tout du spectacle. Mais comme toi, GF, la créature vit. un peu décevant. T'sais, ils mettent un gros build-up. C'est comme, oh mon Dieu, vie s'en vient. Puis ça a l'air juste d'un gros lapin que ses oreilles sont restées collées sur ses yeux. C'est pour ça qu'il dit « Aidez-moi à soulever mes paupières. » Ouais. Enfin, ça m'a laissé perplexe avec. Puis ensuite, le film se termine sur les deux gars qui s'ostinent sur « Est-ce qu'il est en vue? Il est pas mort? Il est en vie? » Et là, j'étais comme « Fuck! » Au départ, j'étais prêt à dire que c'était une merde. Puis après ça, ben c'est venu de contrebalancer avec des qualités indéniables. Puis je suis comme, c'est plate parce que mais semble qu'il y aurait matière à faire un remake pour que ça soit un grand film. Il y a vraiment du potentiel. L'histoire, le folklorique là-dedans de la Russie, je trouve qu'il y a vraiment de quoi qu'on n'a pas vu ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais ferais-tu un remake du film ou plutôt une relecture du mythe? Ben, vu que j'aimais... Voilà. Ben, j'aimais beaucoup le film, fait que j'aurais pratiquement pris un remake du film, mais Jeff dit que l'autre, c'est une relecture, fait que je suis curieux. Ben, dans l'autre film, t'as des scènes qui sont quasiment plan pour plan, des scènes du premier. Il recrée des scènes, des moments dans la chapelle, il recrée certaines affaires, on voit vie, puis tout, puis on voit la sorcière. La sorcière, elle fait plus G-horror, elle fait plus fantôme japonais un peu, là, t'sais. Moi, en fait, je ferais une première partie où t'enlèves tout le côté loufoque, stupide, tu fais une espèce de build-up, un slow burn que t'apprends à tes personnages, tout ça, puis tu peaufines la deuxième moitié sur les trois nuits, t'essaies de faire de quoi plus stressant, plus creepy, puis honnêtement, je pense qu'on a un vraiment solide film d'horreur, tandis que là, il y a trop de défauts qui viennent encombrer ça. Je pense que tout ça fait partie du conte, fait que tu décides, tu l'adaptes-tu finalement, ou bien tu... Ben, apparemment qu'ils prennent déjà des libertés dans deux versions de ce que j'ai entendu dire des gens, fait que je veux dire, tant qu'à faire, si tu veux prendre des libertés, améliore les défauts qui sont présents, mais... Ouais, parce que Black Sunday s'en inspire, puis dans le fond, il suit pas. C'est un meilleur. Ouais, non, c'est ça. Mais globalement, je suis mitigé. Je suis vraiment entre les deux. Il y a des trucs que j'ai aimés, puis il y a des trucs que j'ai vraiment pas aimés. Puis V, la créature, juste pour le mentionner, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est une créature. Ce que j'ai compris, c'est quand il. Ben, c'est ça, il y a les paupières par-dessus les yeux, des longues, longues paupières, puis il y a besoin de quelqu'un pour les soulever. Puis quand on voit ses yeux, ben, il faut pas que tu la regardes parce que c'est là que tu vas mourir. Tu vas comme rentrer dans son. Dans une darkness éternelle. Là, comme le Ghost Rider. Un genre de Cthulhu. Là. Ouais, ou comme la méduse dans Clash des Titans. Là, que va te transformer en statue, je sais pas trop quoi. Mais dans le remake, dans le film de 2014, V, il y a comme des yeux d'araignée. Il y a comme plein de petits yeux. Plein de petits yeux. OK. Es-tu plus efficace? Ouais, un petit peu plus, oui. Tu sais, toute la scène dans le bar, que le gars, il est comme sous ou buzzé, peu importe, elle est longue, puis elle sert vraiment à rien. Quand tu vois le même gars sortir trois fois de la trois portes, j'étais comme... C'est tellement drôle! C'est drôle, mais ça sert vraiment à rien. Je me suis dit, le réalisateur, il a l'air tellement fier de son effet, là, tu sais, puis c'est mal fait, mais c'est drôle, tu sais. Mais c'est mal fait, mais en même temps, pour l'époque, c'est comme... C'est quand même quelqu'un qui a fallu qu'il réfléchisse à ça, là, puis il a fallu qu'il se donne pour faire ça. Oui, c'est clair. C'est quoi déjà l'année de vie? 67. OK. Ben d'ailleurs, Vicky. Oui. My turn. It's my turn. Hey, c'est drôle parce que je suis autant à l'opposé puis autant d'accord avec vous parce que moi, je pense que les trois, vous, c'est la première partie, vous l'avez pas aimé. Moi, c'est la première partie que j'ai préférée. Fait que j'étais à votre opposé. Mais tout comme vous, il y a des choses que j'ai aimées puis d'autres choses que j'ai trouvées insupportables dans le film. D'abord, c'est un film très biblique. Steven, tu disais que ça avait l'air d'être les trois Stooges. Moi, j'avais l'impression que c'était les trois rois mages. Je sais pas, j'avais ce feeling-là, tu sais. Puis d'ailleurs, je trouve que le réalisateur a vraiment tellement bien réussi à nous isoler le personnage principal. T'sais, quand on commence le film, tout le monde fait des chants bibliques, puis lui, il est comme un peu sous, on dirait, il est pas sous, mais c'est juste sa face naturelle a l'air sous, tu sais, avec un œil un peu fermé, puis l'autre bien ouvert, de même, là, avec sa coupe bol. Fait que, tu sais, tout de suite dans la foule, tout le monde se compte des chants. Puis lui, il répète même pas. Tu sais, il a même pas l'air à écouter le grand prêtre devant lui. Il y a un plan très, très précis où que on alterne plein de gens qui chantent, lui, plein de gens qui chantent, lui. Fait qu'on vient vraiment l'isoler par rapport aux autres, comme quoi c'est... Pas tant que c'est pas un croyant ou un rebelle, mais c'est juste quelqu'un qui s'en fout, qui a plus l'air à être là parce qu'il est pogné, là. C'est-tu parce que c'est un philosophe, selon toi? C'est un gars qui questionne les choses? Ouais, c'est ça, le philosophe. Je me suis demandé aussi pourquoi il l'appelait le philosophe, parce que moi, j'aime beaucoup la littérature russe, puis je sais que la poésie en Russie, elle a vraiment un statut très différent qu'ici, en Amérique du Nord. Fait que je me suis dit, est-ce que le philosophe, c'est vraiment aussi un statut? Je le sais pas, j'ai vraiment pas la réponse à la question. Mais je sais que la poésie, ça a un statut vraiment très, très noble. Quand tu réussis à... beaucoup de gens veulent poète. Et quand tu réussis à être qualifié de poète, c'est une très grande réussite en Russie. Alors, je me demande, est-ce que être philosophe, c'est la même chose? Est-ce que c'est un certain statut? J'ai pas la réponse. Mais je me le suis demandé dans le film. Le philosophe, c'est quoi? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un étudiant en philosophie. Ouais, c'est ce que ça me donnait comme feeling. C'est un gars qui, j'imagine, a tendance à remettre les choses en question. Fait que, c'est pour ça que la croyance, il croit, mais en même temps, il est peut-être moins croyant que les autres. C'est ça. Donc, le début est très, très biblique. Et quand il se ramasse à l'auberge, moi, j'avais pas l'impression que c'était à l'auberge. Là, j'avais plus l'impression que. Sérieux, je l'avais vraiment tellement vu biblique. Et je vous le dis, je l'ai lu ces sous-titres-là. Mais j'avais vraiment cru comprendre que. J'ai peut-être trop poussé, là, mais tel Joseph et Marie. Sont arrivés pour avoir une chambre à l'auberge et ils n'en ont pas eu, ils se sont ramassés à l'étable. Moi, c'est ce que j'avais compris avec les sous-titres que j'avais lus. Et là, ils se ramassent à l'étable. La femme leur dit, il n'y a pas de place. Ils disent, s'il te plaît, t'es comme un peu obligé de nous recevoir. Pas le choix. Ben oui, puis là, elle les reçoit, puis on dirait qu'elle a comme spoté tout de suite notre personnage principal, tout comme nous, spectateurs, on l'a spoté. Puis, elle les sépare. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment creepy. Alors, dis-toi, tu vas dormir à telle place, toi, tu vas dormir à telle place, toi, tu vas dormir à l'étable. Et avec le sourire qu'elle fait aux deux autres, c'est comme si elle crousait les deux autres puis elle prenait le dernier, notre personnage principal, comme une merde, comme un animal. Oui, toi, tu vas dormir à l'étable. Fait que je m'attendais à ce que lui, elle tue tout de suite puis qu'on suive les deux autres dans le reste du film. Et non, dès le départ, elle vient le rejoindre, lui, dans l'étable. J'étais vraiment surprise. Fait que tu sais, vous avez passé... très rapidement sur la première partie, alors que moi, c'est la première partie qui m'a vraiment plus conquise, là, qui m'a plus ensorcelée, qui est plus venue me chercher. Quand elle approche dans l'étable, le personnage principal, il y a vraiment un angle de caméra terrifiant. Là. Moi, j'ai fait « Oh shit, j'avais l'intention de peinturer des chaises, puis j'ai l'impression que je vais être emportée dans le film, puis je vais être hypnotisée, puis je serai pas capable de me concentrer. » Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais cette scène-là où elle l'approche, puis il y a vraiment, genre, la caméra est devant elle... un petit peu contre-plongé, mais pas assez pour être... En tout cas, j'ai trouvé l'angle de caméra m'a fait peur, là, de la manière qu'on la voyait. Oui. Non, excuse-moi, j'allais vraiment dire, c'est ça, le premier plan est foutrement efficace. Les autres perdent en efficacité puis perdent en effet, là, mais le premier plan, t'as raison, là, lui, fait il saisit tout de suite. Saisit immédiatement. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette scène-là, c'est le genre d'affaire que normalement, dans un cours de cinéma, ils nous auraient fait remarquer, puis j'aurais fait, mais tu vois n'importe quoi. Mais déjà, j'ai vraiment remarqué quelque chose. Il y a un plan qu'on voit, c'est une vache avec une genre de lanière de cuir, je sais pas trop, qui fait que son œil est là, la lanière de cuir est à côté. Puis tout de suite, le plan d'après, c'est le personnage principal qui, on voit son œil, puis lui, il passe derrière comme une lanière de cuir, puis on voit son œil là, puis une lanière de cuir. Puis pas longtemps après, on voit un cochon avec sa tête en deux planches. Puis le plan de suite après, on voit le personnage principal, la sorcière. Puis le personnage principal, il y a comme des planches horizontales derrière lui, puis sa tête est comme entre les deux. J'ai fait, OK, on fait un parallèle là entre lui et les animaux, là. Les proies. Oui, on l'identifie aussi comme un animal faisant partie de l'étable. Oui. Moi, j'avais vraiment ce feeling-là. Moi, j'avais vraiment l'impression, je savais pas ce que j'allais voir. Je savais pas si c'était un film hyper d'horreur, whatever, fait que je me suis trompée totalement. Mais moi, je pensais qu'elle l'aurait tué de là. Ou elle aurait changé en animal, ou elle aurait gorgé comme un animal, direct là. Là, elle a fait quasiment un animal. Oui, elle l'a transformé en animal. Mais on s'entend que Thirst de Kevin Smith, il se fait transformer en Tusk. Il se fait transformer en animal. Là, ici, c'est plus métaphorique, disons. Elle l'embarque sur son dos, puis elle dit « Allez, cheval, t'es devenu un cheval. » Et on part d'un nuage avec. Là, j'ai fait « Oh, OK, what's going on? » Là, la musique aussi est très loufoque. La musique qui embarque en même temps. Fait que là, j'étais comme, OK, wow, je comprends plus, là. OK, dans quel genre de film que je suis? Là, j'étais tout mêlé. Là, le film continue, puis il joue tout le temps sur ce... Moi, je dirais, là, jusqu'à ce qu'elle vole sur son cercueil. Il y a trois nuits séparées, et dans les trois nuits, il se passe des choses, c'est une gradation. Et dans la deuxième nuit, elle est vraiment sur son cercueil, puis elle fait du surf, là. Oui. C'est à partir de ce moment-là, j'ai fait... OK, je lisais pas le bon film au départ. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus horrifique. Puis quand elle s'est mise à voler sur son cercueil, je me disais, OK, il n'y aura plus moyen de me rattraper. Parce que avant ça, quand elle est en zombie, peut-être que ça peut avoir l'air ridicule quand elle fait du mime. Mais le maquillage qu'ils ont mis, les couleurs, l'ambiance, les chandelles, je trouve qu'il y a vraiment une montée stressante. Tu sais, ils allument les chandelles. Puis, hein? Les peintures. Oui, les peintures sont efficaces. Il y a vraiment une montée. C'est des peintures religieuses, puis c'est effrayant, je trouve. Vraiment, il y a une montée horrifique énorme. Fait que je m'étais dit, peut-être qu'on va réussir à m'effrayer sur quelques plans, parce qu'on a réussi depuis le début. je dois vraiment dire que la première partie du film, moi, on m'a effrayé à des bons. Il y a eu vraiment des bons plans efficaces qui m'ont glacé le sang. Là, je me suis dit, wow, OK. Mais à partir du moment où elle fait du surf sur son cercueil, j'ai décroché. Silver Surfer. On viendra pas m'en chercher. On viendra pas m'en chercher, là, c'est certain. Fait que moi, la partie avec toute la fin, avec les monstres, ben, j'avais juste l'impression que c'était des marionnettes. Ça manquait de pitbull pour me faire peur. Une critique d'actualité avec Mickey. Ouh, mais c'est vrai que ça fait très Jim Henson à la fin. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Je me sentais juste Ludo là, de labyrinthe. Oui, c'est ça. Il est là, c'est vie. C'est vie. Labyrinthe, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai vraiment décroché. Puis c'est là que j'ai commencé à constater quelques trucs comme c'est l'humour le moins assumé du monde de l'humour. C'est la morte qui meurt le moins crédible de l'histoire de la mort. Je sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu Batman, il a fait un tollé, Marion Cotillard, les gens liaient sur le web de la manière qu'elle mourait. Ben, c'est parce que vous l'avez pas vu, elle, il y a eu de l'inspiration. Là, c'est sûr. Elle se fait tabasser, intense, elle meurt du fait qu'elle se fait tabasser, puis elle est juste comme... Ça fait vraiment mal. Ensuite, c'est le croyant le moins croyant de l'histoire de la croyance, là, parce qu'il fait comme « fuck, je vais dessiner un cercle ». Ça le sauve, puis la deuxième nuit, il a même pas l'air à faire comme fuck, je vais te dessiner un cercle. Ouais, ça, j'ai trouvé ça weird. Parce que, oui. Je veux juste dire, sais-tu, moi, c'était les nuits les plus courtes de l'histoire de la nuit. Ben oui. Ça dure une demi-heure. C'est, ouais. Ben, une demi-heure, il dure 2 minutes et demie. C'est ça. Hey, c'est fou, j'étais là, c'est les nuits les plus courtes de l'histoire de la nuit, là. Le coq chante. C'est comme, ben voyons, il vient de rentrer dans la chapelle, ça fait 2 minutes, puis le coq chante le 5h du matin. À mon avis, il se saoule jusqu'à 3h, puis il s'en rend pas compte, là. C'est ça, le plus t'as la sorcière qui est là, puis il réveille, voyons, essaye de te faire peur, là. Mais par rapport à sa croyance, c'est ça, comme je t'ai dit plus tantôt, je pense que c'est parce que c'est un philosophe, puis il remet en jeu certaines croyances, puis tu sais, l'affaire avec la pipe aussi, puis le tabac, mais ça tu sais, c'est pas vraiment un croyant, le gars, il dit, je sais que je suis pas supposé fumer, mais j'aurais tellement envie, puis il se met à sniffer du tabac, puis c'est bon ce tabac-là, mais... puis. C'est juste au début, là, quand la vieille femme vient le rejoindre dans l'étable, il dit wow, wow, wow, t'es pas la petite jeunesse. Sans en dire, si t'étais belle, cute, oui, je te fourrais, mais quand t'es vieille pis t'as un gros nez, fait que laisse faire. Oui, ah, mais les femmes sont rien dans ce film-là. Les femmes sont cuisinières, puis c'est juste tout. Au début, comme Steven disait, comment est-ce qu'il est traite au début en sortant du collège? Genre, non, mais les hommes, c'est des gros colons alcooliques. Ben oui, c'est ça, exactement. Oh, oui. Je dis pas que c'est des héros, là. C'est, même là, notre héros, c'est un colon, là. Ouais, très colon. Les faces, tous les gros plans qu'on fait sur lui avec sa coupe bol, tout un œil un peu plus fermé que l'autre. Pis, il a tout comme... l'air sale, il a l'air de puer, tu sais. Oh, ouais, hein, il a l'air idiot, mais. Idiot! Mais j'aime l'acteur, il a bien choisi pour faire ça. Ouais, ouais, vraiment. Parce que tu sens qu'il a peur quand même, tu sais. Puis c'est ridicule, elle vole en surfing sur un cercueil. Je veux dire. Ça l'a marqué, ça. Ben oui, parce que moi, j'aurais juste pris un grand chandelier et j'aurais donné un coup de batte d'en face. Mais en même temps, son cercle de protection fonctionnait, tu sais. Il avait juste à attendre 3 minutes à faire son cercle de protection, ben oui, puis ça allait se prendre. Ben oui, c'est ça! C'est ça, je me suis dit. J'ai dit, ça a marché la première nuit. Why not, Coconut? J'ai comme eu le feeling qu'il se disait ouais, mais mon cercle de protection, il est pas assez fort. Apprendre de la force, ça devient plus fort. En même temps, c'est lui qui croit qu'apprendre de la force parce que là, oh, oui. Oh, oui, c'est sûr, certain que ça vient de lui. Mais c'est ça, c'est ça mon feeling, c'est que lui, il arrêtait de penser, il pensait qu'elle était de plus en plus puissante, puis que la troisième nuit, il allait y passer, là, finalement. Là, c'est ça, mais elle essaie de le tuer par vengeance. Oui. Mais moi, j'ai été tantôt, vous vous demandiez, c'est une vieille ou une jeune? Moi, j'ai l'impression que c'est mon impression, là. Mais c'est vraiment une jeune, puis elle s'est déguisée en vieille femme, parce que t'as quand même 3 messieurs qui cognent à sa porte dans la nuit, puis... Elle leur dit, il n'y a pas de place, puis il insiste, genre, non, tu nous laisses rentrer, là. Moi, c'est juste que quand ta mère, ça prend la forme de la vieille. Sa forme, sa dernière forme, c'est la vieille. OK. Non, mais c'est pas un fake. Moi, j'ai pris sa mort pour un fake, là. Elle n'est pas morte pour de vrai en tant que telle. C'est un genre de piège qu'elle faisait. Je sais pas. J'avais pas l'impression que le gars l'avait vraiment tué, là. Ils sont partis pour aller dans le ciel, les deux ensemble, finalement. Faudrait lire la nouvelle. Oh. Faudrait lire le conte. Mais puis, c'est ça. Mais j'ai pas eu l'impression, par contre, qu'on manquait d'informations. Tu sais, oui, ça reste un mythe russe. Oui, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on est censé avoir plus peur que ce qu'il y en a. Mais j'ai pas l'impression qu'on manquait d'informations. Ben, Vi, t'es pas expliqué. C'est qui Vi? Ils l'annoncent à la fin du film. Hey, Vi s'en vient. Puis ah, mais j'ai juste vu un gros démon. Moi, j'ai eu l'impression que c'était genre un démon croque-mitaine, quelque chose de même. Ouais, parce qu'elle école toute. C'est elle qui école, je veux pas. Ouais. Ouais, t'es des loups-garous, les vampires, blablabla. Moi, sinon, j'ai pas. Tu sais, je veux dire. Je pense que c'est le golem qui s'appelle. Oui. Bon, mais c'est ça, le golem. Souvent, on va juste. Ben, même le bonhomme 7 heures en anglais, comment que. The Boogeyman, mettons. Le Sandman, ouais. Ouais, bon, mais c'est ça. Mais tu sais, t'as des films où ils disent juste comme The Boogeyman is coming, puis on est censé savoir c'est qui, puis c'est à quelle créature tu fais référence, peu importe le film. Fait que moi, c'est cette impression-là que ça me donnait. Là, c'est. Ben, c'est ça, moi, ça me donnait l'impression que c'était un genre de bonhomme 7 heures. Mais nous autres, si mettons, il fait un film sur bonhomme 7 heures, nous, on entend parler toute notre jeunesse, fait qu'on sait c'est qui un peu, même si on n'a pas de forme dans notre tête, on sait à quoi ça fait référence un peu. Mais t'entends ça, Vi, pour la première fois en tant qu'occidental, tu fais. Mais c'est quoi ça, Vi? Puis l'information, t'es pas donnée avant 5 minutes avant le film. Mais en tout cas, c'est un détail, là. Mais ouais, c'est pas comme s'il en parlait depuis une demi-heure, puis tu fais comme, c'est quoi? Au moins, c'est ça, c'était pas créé d'attente trop forte pour ce bébé. Ouais, c'est ça. Ben, à la fin, ils font un petit build-up pareil. Là. C'est sûr que tu dis, ouais, c'est pas à la hauteur vu que le film porte ce nom-là. Puis si c'est supposé être une grosse légende en Russie, puis une créature vraiment terrifiante, ben, je trouve que le film ne la met pas vraiment en valeur. Là. Mais. Ça me dérangeait tellement pas parce que toutes les autres créatures d'avant étaient tellement hot que elles, j'ai comme fait comme point, mais je les ai trouvées toutes hot, les autres. Là. Mmh. Mais moi, comme si j'avais décroché, rendu là, peu importe ce que tu m'aurais sacré dans la face. Bon. T'aurais laissé différente. Mais je pense que le gros problème avec Vi, c'est que toutes les autres créatures, quand ils apparaissent, ils ont toutes comme le plan qui les met vraiment en évidence, tu sais, de belle façon hot, tu sais, tout ça. Tandis que Vi apparaît du fond du plan, tu sais, à travers tout le monde, t'es comme, tu sais, quoi. Puis il avance, c'est comme, tu sais, quoi. Et puis quand tu le vois, il est comme à travers de tout le monde, t'es comme, ben, c'est ça, je suis là, salut gang, tu sais. À la limite, même moi, une vue subjective, il montre, moi, là, jamais, tu sais. Puis, genre, que le gars, il regarde dans les airs, puis tu fais comme, OK, ça a l'air d'être la grosse. Ça a l'air du gros bonhomme de caca dans. Voyons, je parle donc, mais tout. Dans Dogma, c'est ce que j'ai dit. Dans Dogma. Ouais, The Shit Monster. Ouais, ça a vraiment l'air de ça. Mm. On dirait qu'il y a un chapeau melon. Je suis en train de la regarder pendant qu'on se parle. J'ai fait une recherche, je me suis demandé si c'était pas le même. Il s'appelle le Golgotan dans Dogma, puis je me suis demandé si ça venait pas de Gogol, mais je pense pas, là. Tu sais, c'est d'autres choses. Ça vient du Golgotha, en fait. C'est la mère de ceux qui ont été crucifiés. Puis, Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter là-dessus? Non, pas. Ça m'a fait penser, où tu parlais de Vi, ça m'a pensé qu'on a parlé de l'aspect visuel de la chapelle puis tout ça, mais comment est-ce que tout le monde sont gris? J'aime vraiment ça, les monstres. Comment tout est gris, tout est sont de la même couleur. Ouais. Ça fait vraiment macabre, là, je trouve. On dirait tout qui sort de d'autres tombes pleines de poussière. Là, ouais, non, c'est très très cool. Vos recommandations, Jeff? Ah, j'ai pas vérifié, mais si le, mettons, le DVD est à 10$ sur Amazon, sautez dessus. Sinon, le moins cher, c'est comme 27, je pense, j'ai vu. Non, ça vaut pas la peine à 27. Écoutez-le sur YouTube, il est gratis, il est en russe, puis avec des sous-titres en anglais. Ça va être la même chose pour moi aussi sur YouTube. Vraiment, si vous avez un coup de cœur, allez-y avec le DVD, là, ça reste ce genre de film-là. Puis étant donné que c'est un film, d'après moi, 1967, est-ce qu'il est du domaine public? Peut-être pas, là, mais il va être sur le bord, à la limite. Là. Le DVD a des photos de making-of et tout ça, là, puis des trailers de d'autres films, mais je payais pas 27$ pour ça. Là. Good. Steven? Pas mal de votre bord. Allez-y avec YouTube. C'est trop 50-50 pour ma part, fait que il est gratuit. Vicky? Ben moi, c'est un YouTube, puis un YouTube que je mettrais en après-midi. Je trouve qu'il n'est pas assez effrayant pour déranger. Je le mettrais vraiment en milieu d'après-midi. T'sais, moi, en après-midi, il n'y a pas de son sur les films. Fait que je trouve que t'entendre, tu sais, Jeff, il dit en riant, ben là, si tu fais autre chose en écoutant le film, tu vas manquer de dialogue. OK, mais tout ce qu'il fait, c'est chanter. C'est ça. T'aurais pas peur que parce qu'il y a pas énormément d'images choc que le monde fait comme ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous passe là? Ben en après-midi, c'est du monde qui est in and out, hein. C'est des cafés take-out, c'est un dîner avec ton ordinateur avec quelque chose dans le coin, juste pour montrer que ça fait un cinéma. Fait que je trouve que c'est le genre de truc que t'écoutes une scène, tu trouves vraiment drôle, tu fais comme pourquoi la fille a fait du surf sur son cercueil. Tu cherches sur YouTube le moment, tu l'envoies sur ta page Facebook de checker cet extrait-là dans le film, c'est fucking drôle. Je trouve que c'est un genre de film que tu peux écouter par séquence puis trouver des moments vraiment drôles. Non, vraiment, vraiment. Il y a 4-5 moments là, que tu retires du film que ça devient des clips YouTube vraiment tu prends à montrer du monde. Exactement. Même je l'imagine gros. Tu sais, il passe l'après-midi, tu rentres, tu dis, voyons donc, c'est quoi ça? Je te dis, regarde, c'est vieux, c'est un film russe. Il est disponible sur YouTube. Tu peux le réécouter du début, rendu chez vous, mais écoute qui est là. Puis je pense que ça peut vraiment intriguer sans être nécessairement un film qui t'écoute de A à Z. Mm-hmm. Fait que c'est pas volontaire non plus. Tu sais, comme la scène du surf, que ça soit drôle, c'est pas volontaire. Fait qu'autrement dit, ça en est un défaut. Ben, moi, j'ai trouvé que c'est un défaut parce que moi, ça m'a fait décrocher. Mais je trouve que la scène en elle-même peut être cocasse, tu sais. Fait qu'on est comme pas loin du so bad is good. Mais je pense que les autres moments d'humour du film sont voulus, là. Ouais. Quand le monde sont chaud, puis tout, puis qu'ils chantent, puis qu'ils ont l'air niaiseux. Je sais pas si c'est un so bad is good, mais je pense que si tu vas à cette scène-là avant de commencer le film, t'auras pas d'attente comme moi j'ai eu. Parce que moi, j'avais pas d'attente, puis j'ai eu la scène de la vieille aubergiste qui m'a fait peur. Fait que là, j'ai eu des attentes, tu comprends? Mm. Fait que je pense que si tu commences le film avec cette scène-là, tu seras comme « Ah, OK, je sais ce que je m'en vais voir. » Yes. Ouais, t'as raison. Mais non, tu vois, je viens de rechecker pour le fun la scène. On parlait du plan tantôt, là, puis il est efficace. Même pris comme ça, rien que pour le fun, en deux discussions, là, il est très efficace. Ben écoutez, là-dessus, à moins... Bon, non, on n'a pas de spoiler à faire là-dessus. Non, on n'a pas mal de spoiler. Non, ouais, je pense qu'avant d'y aller avec notre prochain film de Devil's Pass, on va aller en musique avec un de nos fans qui anime le podcast Radio Enfer 666 qui a une suggestion musicale à nous proposer. Donc, on va écouter ça et on revient. Ce n'est pas Carl le 4 Charret, malheureusement. Donc, mais quand même. C'est à écouter. Allons-y. Salutations à vous, infernales auditeurs d'Horror Gamer. Ici Manu du podcast Metal québécois Radio Enfer 666, où l'on vous parle souvent de critiques ou de discussions sur la musique metal. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'interlude musical avec une chanson du plus récent album d'Izan, sorti en 2016, Arctis. On va aller écouter la chanson Mass Darkness. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'épisode d'Horror Gamer, comme ils font toujours. Gros fan du podcast, merci à Seb, GF, Steven et Vicky pour ce qu'ils font. Sérieusement, lâchez pas, vous êtes les meilleurs. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on continue le podcast avec, c'est Devil's Pass, P-A-S-S, hein, c'est bien ça? Mm-hmm. Le titre. Il y a un autre titre aussi, je sais plus trop c'est quoi. Dyatlov's Incident Pass, Dyatlov's Pass Incident. Passing, ouais. Yeah. Muriel contre la neige. Non, accident dans la neige. Ouais, c'est ça. Accident dans la neige. Alors, accident russe dans la neige russe. Accident russe dans la neige russe radioactive. Alors, c'est un fun footage que moi j'ai écouté par hasard sur Netflix, quand il était encore disponible sur Netflix. Et j'avais vraiment apprécié, alors quand on est venu le cas de faire cinéma russe, j'avais proposé ce film-là. C'est vraiment... on dit basé sur une histoire vraie, mais pas tant. C'est la prémisse du film, c'est une histoire vraie. C'est une gang de Russes qui sont allés dans les montagnes de l'Oural. C'est bien ça? Mm-hmm. OK. Ils sont allés dans les montagnes de l'Oural et ils ont tous disparu. Enfin, on a retrouvé leur corps. Ils sont tous morts de manière vraiment étrange. Et le film, c'est une gang qui décide de filmer un peu le parcours de ces Russes-là. 50, 60 ans plus tard, j'ai pas compté, là, c'est vrai chose ça. Comme ça, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et qui essaie de redécouvrir un peu, il essaie de découvrir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans les montagnes. J'allais dire dans les montagnes russes, mais c'est pas. C'est drôle, ça, c'est un film de montagne russe. C'est un film de montagne russe. Alors. ça se passe à Canada's Wonderland. En fait, le grand mystère de l'histoire vraie. C'est que c'était tous des alpinistes d'expérience et qui sont morts, entre autres, d'hypothermie, qui ont décidé de quitter leur tente volontairement pour s'enfuir dans les montagnes et, pour certains, mourir d'hypothermie. Donc, c'est vraiment un grand mystère pourquoi ils ont agi ainsi. Et le film tente, à sa façon, de répondre à la question. C'est pourquoi je crois qu'on va avoir peut-être une section spoilers. Je pense que ça serait nécessaire parce que moi, j'ai conseillé ce film-là souvent. Sans jamais dire ce qu'il en était. C'est quand même un film d'horreur avec beaucoup de tension. C'est sûr que moi, j'ai embarqué. Là, si je peux y aller tout de suite avec ma critique, je trouve que c'est ce que tu disais, Seb, oui. Que tu veux j'embarque avec la critique. Parfait. Embarque! Embarque! Embarque des montagnes russes! Donc, moi, c'est un film d'horreur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup embarqué. C'est sûr que si vous regardez le scénario vraiment défilé, là, tu sais, comme pas un scène à scène, mais un scénario quasiment storyboard, le film ressemble énormément au projet Blair. Énormément. Le projet Blair, après la première nuit, on se réveille, puis il y a de la poudre bleue devant les tentes. Là, la première nuit, on se réveille, puis il y a des traces de pas étranges devant les tentes. C'est une femme leader du groupe qui veut donc tout le temps savoir qu'est-ce qui se passe. Alors que son équipe leur dit « Arrête, on y va pas, on arrête, c'est fini, ça va trop loin, c'est dangereux. » Elle, c'est « Non, non, non, on veut savoir ce qui se passe. » ou « Non, les gens ont le droit de savoir. Je continue à filmer parce que les gens doivent savoir. » Ce que j'ai aimé, par contre, c'est une des phrases du film, c'est vraiment « Ils comprennent qu'ils vont mourir. » Et elle dit vraiment « Je ne veux pas être comme c'est les 9 précédents. Je ne veux pas mourir sans qu'on sache qu'est-ce qui m'est arrivé. Fait que je vais continuer à filmer. » Je trouve qu'on réussit pour un fan footage, c'est toujours un élément important, c'est de décrire pourquoi. Puis c'est toujours parce que les gens ont le droit de savoir. Mais là, c'est pas parce que les gens ont le droit de savoir, c'est parce que je ne veux pas mourir dans l'oubli. Puis je trouve que ça amène un rapport très différent par rapport aux personnages principaux. Dans le sens où peut-être qu'ils sont fonceurs, peut-être qu'ils sont frondeurs, peut-être qu'ils ont fait une très mauvaise décision en allant là puis en continuant. Mais ils sont face à leur mort, puis la décision, c'est pas « on va se battre jusqu'à la fin », c'est « les gens, on peut pas mourir sans que les gens sachent qu'est-ce qui nous est arrivé ». Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que le film, il fait un beau build-up. C'est sûr, encore une fois, très pareil à Projet Blair. Là, le build-up est très, très, très similaire. On trouve des restes humains par hasard. Mais moi, j'ai embarqué. J'ai embarqué avec cette gang-là. J'ai été curieuse tout le long. J'ai pas vu venir la fin, mais pas du tout. J'ai pas vu venir où ça s'en allait. Et j'étais pris dans ces montagnes-là avec eux. Pour vrai, là, j'étais pris dans le froid avec eux. J'ai senti la tension, j'ai senti la peur. J'ai émis des hypothèses aussi. Et si j'ai suggéré le film, c'est que c'est pas la première fois. Puis à chaque fois que je le suggère, ça va venir avec ma suggestion à la fin. Je continue un peu mon parcours, puis c'est la suggestion que je vais faire à la fin du podcast sur les films qu'on suggère en même temps. Parce que je trouve que c'est dense comme mystère, puis c'est un mystère qui est pas résolu. Puis je sais pas, j'ai vraiment aimé les personnages, je les ai trouvés crédibles dans leur stupidité. À un moment donné, il y a la preneuse de son qui est vraiment sexy, puis ça donne qu'elle a la ganse entre les deux seins, puis le gars, il fait un zoom sur ses seins pendant qu'elle prend le son, mais c'est tellement ça en même temps, tu sais, je veux dire, c'est goofy, les personnages, ils s'amusent entre eux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, elle est là, puis elle dit, la leader, elle dit, je suis conne, je sais pas pourquoi je suis embarquée là-dedans, puis il répond, ben oui, Chris, t'es conne, tu nous amènes dans un parcours où 9 personnes sont mortes, on est exactement à la même place, puis t'es surpris qu'on va crever, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de réalisme aussi dans ces personnages-là. Il y a, moi, en tout cas, j'ai vraiment été marquée par ce film-là à plein de moments. Et si je pense, les gars, c'est votre première écoute aux trois. Yes. Et le réécouter pour la deuxième fois m'a fait sourire, des petits sourires en coin à plusieurs moments. Il y a vraiment plusieurs moments où j'ai fait « Hmm, c'est ça qu'on essayait de me dire. Puis c'est nice, c'est secret, c'est caché. » Peut-être que c'est aussi la chose différente que ce que j'ai vécu avec le projet Blair, qui le projet Blair est très unidirectionnel, si on peut dire comme ça. Et dans celui-là, j'ai trouvé qu'on nous laisse pas d'indices, parce que si on voit pas la fin, on comprend pas que c'est des indices. Fait que c'est plus des moments bulles qui viennent nous impressionner quand on le réécoute une deuxième fois. Fait que c'est vraiment un film que je réécouterais là c'est ma deuxième écoute, puis j'ai pas été plus déçue à la première qu'à la deuxième. J'ai été surprise encore. Il y a des moments je me souvenais pas. Vous allez en parler, fait qu'au pire, j'ai commenté, je vais pas tout dire. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Puis j'espère que vous allez l'aimer comme fun footage parce que c'était une découverte pour moi. Cool. Steven? Le pro des fun footage. Le pro, ouais. Non, pas tant que ça. Ben là, c'est pas ça que ta carte d'affaires, elle disait. Le film était dans ma liste de Netflix depuis très longtemps, fait que Vicky m'a donné une occasion d'écouter, mais maudit, Netflix l'enlève quand on veut l'écouter. Sont-ils plates? En fait, Vicky t'a raconté les faits vécus, j'ignorais totalement, en fait, que c'était tiré de faits. Et quand tu m'as raconté l'histoire, dans quelles circonstances les personnes ont été retrouvées et tout ça, ça m'a donné la chair de poule. Je me rappelle encore, on avait discuté après le dernier épisode qu'on a enregistré du podcast. Je trouvais cette histoire-là vraiment freakante et je me suis dit... C'est parfait pour un film d'horreur, puis c'est parfait pour un fan footage. Et en fait, le film contient deux éléments qui font en sorte que c'est fait pour me rendre mal à l'aise et stressé. C'est qu'un, c'est tourné dans un autre pays, et moi, je suis pas à l'aise dans les pays étrangers. J'ai pas vraiment voyagé, mais c'est quelque chose qui m'effraie. Je me sens pas en sécurité. Je suis juste en dehors de chez nous. Je me sens pas en sécurité des fois. Fait juste me mettre à la place du groupe. En Russie, en plein milieu des montagnes, dans un territoire que je connais pas, ça arrivait déjà à installer une bonne ambiance qui ne me mettait pas à l'aise. Et le fait que, dès que le film commence, il nous présente, je sais pas si c'est les vraies photos, mais il nous présente OK, c'est les vraies photos. Il nous montre les vraies photos de comment les victimes ont été retrouvées. Et ça m'a vraiment fait freaky. Et de savoir que des personnages s'en vont à un endroit qui est arrivé quelque chose de dégueulasse, qu'on voit les photos... Ça me fait vraiment fuquer parce que le côté ambigu de on sait pas c'est quoi qui a fait ça me rend vraiment mal à l'aise. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est l'Event Horizon. Quand j'ai vu l'Event Horizon, avant qu'ils aillent dans le vaisseau, ils regardent le journal de bord. La vidéo est fucked up, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça fout la chaîne. Puis c'est ça qui fait que je trouvais que là, ça partait bien le film. Ok, mais là, Steven, tu sais qu'Event Horizon, c'est pas un vrai un fait vécu, là. Hein? Hein? Ah, c'est une gang de menteurs. What? Je vais être honnête, j'ai beaucoup aimé le build-up slow burn du film au début. Très cliché, surtout avec des personnages qu'on a vus plein de fois dans les fan footage, avec le même genre de personnalité, les mêmes situations, le gars qui veut pas se faire filmer, les deux qui vont finir par fourrer. T'sais, on retrouve tous des petits détails que... Ça m'a un petit peu achalé parce que je suis rendu à un point où j'ai tellement envie de fan footage que je suis comme « Ah non, je suis un petit peu tanné de ces clichés-là », mais pas au point que ça massacre mon film parce que les personnages ont des bonnes personnalités. J'ai trouvé sympathique, puis j'avais envie d'y suivre parce que le sujet est intéressant. Puis je voulais voir aussi que ça allait m'amener parce que j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que le réalisateur allait faire avec ce sujet-là à la base, qu'on n'a pas vraiment d'informations. Et toute la mise en place en Russie, le froid, je le sentais. Le réalisateur Rennie Harlin, que j'aime bien, c'est un petit mal-aimé, mais je trouve qu'il a quand même fait plusieurs bons films, arrive à nous faire sentir à quel point il fait froid là-bas. La fille, elle a les paupières collées avec ses cils, puis l'autre, il doit venir l'aider. J'étais comme, ça peut paraître stupide, mais c'est un excellent moyen de nous montrer à quel point que c'est froid là-bas. Fait que j'étais comme, cool, ça marche bien. Puis, malgré que c'est un fan footage, la réalisation est quand même classe et maîtrisée. Par moments, je me disais, un petit peu trop professionnel pour un fan footage, mais en même temps, ça me fait du bien de voir une bonne réalisation pareille. Fait que je trouvais qu'il y avait des bonnes idées de scène. Et le petit côté progression de l'attente, un coup qui commence à s'installer dans la montagne où on voit des traces de pas, ces choses-là, j'aimais ça. Ça installait des questionnements, ça me mettait mal à l'aise. Et à un moment donné, le film embarque sur un genre de mood que... faut que tu regardes partout parce que tu peux voir quelque chose qui peut passer ou arriver sans qu'on se doute que c'est voulu. À un moment donné, il y a un des personnages qui va raconter une anecdote à l'école comme quoi il avait pris de l'acide, ces choses-là. Puis là, c'est fait en sorte pour que tu te concentres à regarder ces deux personnages-là et écouter son histoire. Mais à un moment donné, j'étais comme... non, il y a quelque chose qui me gâche. Je regardais en arrière-plan, je trouvais qu'il était trop large. Puis à un moment donné, j'ai vu deux choses passer qui ont comme passé à quatre pattes. Puis je me demandais c'était quoi, j'étais pas trop certain. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, tout le long du film, je pense qu'il faut que je porte attention. Puis honnêtement, c'est arrivé trois fois que j'ai m'amusé à regarder un peu partout, puis j'ai vu des trucs que peut-être j'aurais passé à côté. Fait que là-dessus, je trouve qu'il y a des bonnes idées que je suis curieux de voir si vous avez remarqué, vous autres. Durant cette, la scène de l'acide, non? Non, du tout. OK. Il y avait le Père Noël qui passait à un moment donné. Non, mais honnêtement, réécoutez la scène, vous allez voir deux trucs noirs passer vraiment à l'autre bout dans le fond. Ça m'a fait freaker à ce moment-là. Et ensuite. C'est dans le reflet de ta TV. Ouais, non, c'est ça. Il était derrière toi, les choses noires qui se promenaient. Puis là, il arrive. Il dormira plus. Ouais, ça se peut. Il va arriver un gros incident qui va changer le cours des choses. Il va y avoir une avalanche. Une scène quand même pas si pire en termes d'effets spéciaux pour un petit budget. J'étais comme, ah ouais, une avalanche dans une femme footage. Quoique la fille qui revole dans la caméra, c'est un petit peu cheap. Là. Ah ouais, ah non, j'ai quand même trouvé très hot. Non, c'est hot, mais en même temps, je trouvais que c'était peut-être un petit peu too much. Là. C'était comme, oui, oui, oui. Mais tu sais, que... début du film, tu sens qu'ils ont hâte de la massacrer, elle. Ouais. Elle est là pour ça. Mais elle est là pour oui, ça. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tu sais, elle collait après la caméra. Mais là, tu fais comme, OK, pourquoi je suis encore capable de la voir? Là? Parce que colle-toi après une lentille de caméra. Genre. C'est noir. Mais tu sais, c'est drôle. Et là, malheureusement, à partir de ça, j'ai commencé à décrocher un petit peu de plus en plus. Pour la simple raison que le film, le côté ambigu et mystérieux, disparaît. On te donne des indices. On te donne des réponses. Et à partir de quand ils vont rentrer dans une place où tout le reste du film va se passer là, je vais attendre qu'on en parle en détail, mais j'ai pas vraiment aimé ça du tout parce que c'était comme bye-bye le côté effrayant que j'avais avec les photos du début. C'est comme on te balance toutes des réponses. L'information, hein? On te l'en met dans la gorge. C'est comme c'est ça. Puis c'est comme OK, non, gars, fucked up. T'as détruit, puis ça, c'est personnel, mais t'as détruit mon imagination terrifiante que je me faisais de l'histoire vraie. Puis c'est pour ça que j'aime autant, mettons, Projet Blair, parce que c'est ambigu. On sait jamais trop vraiment c'est quoi. Fait que le film me fait toujours aussi peur. Puis Devil Pass, après sa première heure, qui arrivait à me stresser puis à me mettre mal à l'aise puis inconfortable, a tout scrappé ça dans sa grosse finale. In Your Face, du genre que... il peut avoir 10 millions de théories dans le film, on va tout vous les crisser en one shot. Puis ça m'a comme buggé. Fait que je laisse place aux autres, puis on va en parler plus dans les spoilers. On va voir si ça a buggé GF. Ben, moi, je sais pas si ça a quelque chose qui a buggé, mais ma copie, il y avait peut-être quelque chose de défectueux, parce que ça a commencé dans un film de montagne, puis ça, à un moment donné, ça s'est transformé en jeu de PlayStation, j'ai pas trop compris, là, mais... GF, tu me devances, là, c'est chiant. Moi, tout d'abord, les personnages, après 5 minutes, ils me tapaient déjà sur les nerfs parce que, comme Steven l'a dit, c'est des clichés, mais en plus, ils ont cette attitude-là, un peu blasée, un peu too cool for school. Tu sais, ils sont vraiment là. Nous autres, on est hot avec notre équipement, puis tout. Puis on. Tu sais, ils essayent. Il y a des fan footage qui réussissent des fois à doser le personnage que tu y crois que c'est des vrais personnages. Tandis que là, je trouvais qu'il en mettait trop pour avoir l'air réaliste. Puis il me tapait vraiment sur les nerfs. Là. Après 5 minutes ou 10 minutes, tu vois que le caméraman, monteur, il parle avec sa caméra. J'ai fait « Oh, come on! Sérieusement, là! T'es pas B.B. King! » B.B. King appelait sa guitare Lucille, mais lâche-moi que ta caméra qui s'appelle Lucille, là, tu me tapes ses nerfs. Là. Oui, quand il dit « Si je peux... Ma... » C'est plate qu'il interdise le mariage avec une caméra parce que je le ferais, puis j'étais comme « Come on! » Sérieux, là, c'était vraiment pas nécessaire. T'sais. Puis tu sais, tout le passage en Russie, dans les bars et les places de même, tu sais, la madame qui raconte une histoire, c'est du fait qu'on a déjà vu dans les found footage, puis la manière que le monde réagisse à la caméra, il y a quelque chose tout le temps de fake qui fait vraiment très found footage, mais je pense que dans la vraie vie, le monde réagirait pas nécessairement comme ça, ou les petits jeunes qui se mettent à bouger ou à danser devant la caméra, tu te dis « Hey, non, j'ai vu des caméras, là, un moment donné, on est en 2013 dans le cas du film, tu sais. » Ça, c'est des petites affaires, des petits détails qui me gossent. En général, sinon, j'ai embarqué dans l'histoire, j'ai aimé ça... jusqu'à la moitié ou trois ou deux tiers, mettons. J'ai embarqué vraiment dans le mystère, tout ça, même si, tu lis la page Wikipédia du vrai incident, puis c'est vraiment creepy, comme Steven disait, puis les événements, tout ça. Mais tu te dis, ça peut prendre n'importe quelle direction, le film, parce qu'il n'y a aucun consensus sur qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai, anyway. Fait que j'avais pas trop où ça s'en allait, puis je suivais, j'aimais ça. T'sais, j'aimais quand même les différentes découvertes qu'il fait, c'est la langue et tout ça, des trucs comme ça. T'sais, j'aimais ça, les traces de Yeti ou peu importe là, qu'ils ont trouvé. J'aimais ça. Puis la porte aussi, j'ai bien aimé la découverte de la porte, mais il y a une partie de moi qui, je pense, aurait préféré que ça reste mystérieux, parce que le reste, le dernier tiers du film, pour moi, est un peu gâché, parce qu'il commence à faire des parallèles avec l'expérience de Philadelphie. Puis là, je suis un gros fan du film de 84, l'expérience de Philadelphie. J'ai grandi avec ça. Je pense que je l'ai vu 50 fois, ce film-là, dans ma vie, sinon plus. J'adore ce film-là. Puis ce cas-là m'intéressait beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, c'est comme, mais non, ça, je j'aime vraiment pas le lien qu'ils font avec ça. Puis j'ai pas embarqué dans le dernier tiers, mais pas en tout, là, tu sais. Puis c'est ça. Après, c'est le côté PlayStation du film. J'ai vraiment pas embarqué. J'ai eu l'impression qu'il essayait de faire un peu comme Wreck, la finale de Wreck, mais ça marchait pas. Dans Wreck, c'était creepy, tandis que là, j'ai jamais eu peur. Le seul moment du film, en fait, où j'ai eu peur, c'est le début. Les photos, comme Steven disait, étaient creepy. Sinon, à part ça, j'ai regardé ça, mais t'sais, jamais vraiment eu de grosses tensions ou de moments où je... T'sais, ça m'arrive des fois de mettre la main devant les yeux, mais pas dans ce film-là. Là, surtout dans les found footage, ça m'arrive vraiment souvent parce que la caméra était subjective. Tu sais jamais ce qui va arriver au tournant d'un coin, mais là, cette fois-là, pas dans ce film-là. C'est vrai qu'il n'a pas abusé de cette. Peut-être que c'est bien. Qualité dans un sens, du found footage, pas de qualité, mais une possibilité du found footage. Ouais, t'sais, pour certains, ça peut être bien qu'il n'ait pas abusé. Moi, j'aurais peut-être aimé avoir plus peur que ça, surtout que c'est supposé être un film d'horreur. Là. Surtout avec la possibilité que certaines choses vers la fin amenaient. Oui, oui. Les personnages, j'en ai parlé, mais c'est ça, je les trouvais un peu interchangeables. J'y connaissais à peine, puis tu sais, je m'en suis foutu un peu tout le long du film quand je les voyais dans montagne, tout ça, là, au campement, puis je savais... Je me suis jamais rappelé des noms des personnages, ou tu sais, à part Holly puis Denise, là, les deux filles, les deux que j'ai arrivé à reconnaître un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Les scènes, comme Steven disait, c'était super bien filmé. Les scènes de montagne puis d'hiver, c'est Rennie Harlin, c'est un genre de spécialiste de l'hiver avec Die Hard 2 puis Cliffhanger, tu sais. Des shots d'hiver, là, il est vraiment bon là-dedans, puis ça, j'adorais. Sa neige est super belle, elle est blanche, elle est immaculée. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé les scènes de montagne, là, j'ai vraiment le goût d'aller là, tu sais. C'est des cartes postales, là, tu sais. Mais tantôt, on fera la section spoiler pour la finale, mais moi, c'est la finale, ça me scrappait le film. Je dis pas que c'est mauvais nécessairement, parce que j'ai quand même eu du fun pendant les deux tiers. Puis tu sais, j'ai quand même suivi la fin, puis j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai pas rien. Tu sais, j'étais curieux, mais non, ça me laissait. C'est peut-être une question d'effets spéciaux. Si les effets spéciaux avaient été meilleurs à la fin, j'aurais peut-être plus aimé ça. Même le dernier plan final, j'ai détesté les effets spéciaux, tu sais, puis. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gosse vraiment dans le film. Puis comme Steven disait, ça nous garoche ça, là, toutes les théories possibles, puis ça nous met tout ça dans un dans un tout là, qui pour moi marche pas vraiment, tu sais. Fait que c'est un peu ça là, mon point de vue. Good, ben je ne m'éterniserai pas non plus parce que je pense qu'on va vouloir passer à la section spoilers rapidement. Je rejoins un peu vos opinions. Moi, j'ai trippé dans ce film-là à partir de la première nuit. Avant ça, tout le build-up, comme tu disais, Jeff, les rencontres dans les différents bars, puis ça, j'étais comme, hey, on peut-tu aller dans la montagne, tu sais. Je trouvais que, habituellement, quand tu écoutes un found footage, les scènes avant d'arriver sur les lieux, je vais penser à celui-là là, du Bigfoot, là, Willow Creek. Ouais, c'est que ils vont te servir à te donner des informations sur qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui ce monde-là, tout ça. Blair Witch, tu sais, c'est des entrevues, c'est qui ce sorcière-là. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec la sorcière, c'est quoi les légendes, tout ça. Tandis que dans ce film-là, au début, on te dit, ben, l'événement qui s'est passé il y a 50 ans, c'est ça. OK, bon, ouais. On peut-tu aller à la montagne, là, parce que il n'y a aucun build-up qui va servir, à part peut-être me faire rencontrer les personnages un peu, tu sais, connaître la dynamique de ce groupe-là, mais fais-moi la connaître dans le vif du sujet, tu sais. Même la connaître. Petite pancarte dans Fenêtre, la ouais. Personne qui dit pas oui. Aller, je trouvais que c'était forcé. Ça m'a fait l'effet d'un Crazy Ralph dans Friday the 13th, ouais. Tu sais. Ouais, c'est vrai, exact. Allez-vous-en d'être là, tu sais. Ouais. Puis, le seul élément important dans l'intro, c'est la vieille grand-mère qui dit « Il y a 11 corps qui ont été trouvés et non pas 9. » Qui revient à la fin, mais c'est ça. Mais tu l'oublies dans le film, à un moment donné. Tu l'oublies, je pensais plus. Puis quand c'est arrivé, j'ai dit « Ah oui, elle avait dit ça, mais tu t'en fous rendu là, tu sais. » Fait que c'est ça, j'ai comme trouvé que tout ça, c'était long, puis c'était pas nécessaire, parce que ce que ça nous permettait de connaître sur les personnages, ça... On aurait pu le vivre directement dans la montagne avec quelques scènes un petit peu plus intéressantes. Parce que vraiment, moi, il y a vraiment des moments que j'ai trouvé trippants. Là. Moi, quand ils disent on est arrivé, ouais, mais on n'est pas supposé d'être arrivé. Selon la carte, là, on serait supposé d'être arrivé à soir, puis là, on est déjà là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, les boussoles. Il y a plein de trucs que je me disais, waouh, bon, maintenant il tire un flare parce qu'après l'avalanche, puis il arrive quelque chose après ce flare-là, j'étais comme, oh, ok, non, tu sais, il y avait un suspense qui se buildait, puis j'étais dedans. Puis, contrairement à Steven et à Jean-François, oui, quand on se fait tout donner l'information après ça dans la gueule, j'étais comme, off. Mais j'ai quand même été diverti par la suite, jusqu'à la fin. Excepté pour tout ce qui était PlayStation, qui était vraiment épouvantable. J'ai été diverti jusqu'à la fin quand même. Le film m'a pas perdu. Le film m'a gardé avec lui. Là, j'ai pas, j'étais pas en train de me dire ah, calice, qu'est-ce qui se passe. Mais oui, je pense quand même que j'aurais préféré un film avec un petit peu plus d'ambiguïté. Mais je savais pas où ce que le film pouvait aller, étant donné qu'il nous avait donné un peu cette porte. qui amenait vers nécessairement des réponses. Mais c'est ça. Puis j'ai trouvé que les réponses n'étaient pas celles que je croyais. Donc, c'était cool. Mais tu nous as mentionné un peu, Jeff, le truc de toute l'expérience de Philadelphie. Ce que j'ai trouvé plate, c'est que le film autant utilise le truc de l'incident dans Montagne de façon réaliste, en parlant. Autant quand tu parles de l'expérience de Philadelphie, tu fais comme « Vraiment? C'est pas ça qui s'est passé, là. Toi, t'as vu des films, C'est un peu ça, l'histoire, le mythe, là, tu sais, que les... Oui. Qui ont essayé, justement, de... Ben, en fait, ce qu'ils essayaient, c'est de rendre invisible le vaisseau. Ouais. Parce que si je me fie au film de 84, surtout, c'est surtout lui que j'ai vu, c'est ma source principale. Il a essayé de rendre invisible le bateau, puis en fait, le rendre invisible au radar, je pense. Mais il est vraiment devenu invisible. Pendant quelques instants, puis il y a eu des gens, quand il est revenu, qui étaient fusionnés avec le métal du bateau, mais, tout ça. Puis... Mais tu sais, tout ça, t'sais, il en parle comme si c'était... C'est vraiment ça qui s'est passé, tu sais. Oui. Mais est-ce qu'on sait vraiment... Que le papier a été déclassé, je pense pas. Je pense que c'est encore top secret, là. C'est ça. Fait que tu sais, ça m'a comme tanné un peu, là. Tu sais, j'avais comme vraiment l'impression, tout d'un coup, le gars a vu le film, puis il l'a pris pour du cash, tu sais. Mais fait que c'est, j'ai comme fait ah oh, voilà, t'as poussé un peu. Mais tu sais, c'était de lier deux trucs qui n'avaient pas besoin d'être liés, malheureusement. Mais c'est ça. Ça reste que j'ai quand même apprécié mon écoute du film. Et sur ça, je pense qu'il faut vraiment passer à la section spoilers et Jeff va nous dire le timing pour la fin des spoilers à l'instant même. Pour sauter les spoilers, sautez les 26 prochaines minutes. OK! Bon, ben, section spoilers, je vais embarquer parce que je suis vraiment satisfaite de vos critiques, c'est con, là. Mais quand j'ai écouté le film, j'étais exactement comme vous la première fois, j'étais tellement perplexe, puis mais moi, je savais pas si je l'aimais pas à la fin. Parce que oui, pour en revenir à ce qu'on disait, donc, ils arrivent dans une espèce de base nucléaire et ils sont attaqués par deux espèces de créatures. Ils se perdent dans la base, ils arrivent et ils découvrent des documents, justement, qui relient la base à ce qui aurait pu arriver, justement, sur des expériences qu'on aurait fait pour voyager dans le temps et l'espace. Oui. Mm-hmm. Il y a l'espace aussi. Moi, j'ai compris le temps, mais... Téléportation. En fait, la première fois, j'avais compris le temps, puis là, j'ai vraiment compris temps et espace dans à ma deuxième écoute. Et là, plus il fouille, plus il se rend compte qu'il y a une espèce de gros tunnel noir étrange. Quelqu'un qu'on passe là-dedans, probablement que c'est la manière de voyager dans le temps et l'espace. Ils se sentent pris au piège, ils savent qu'ils n'ont plus de manière de s'en sortir, fait qu'ils se disent, ben tant qu'à faire, aussi bien l'essayer. On n'a pas plus de solution, fait qu'on va se garocher dans le tunnel qui est là. Oui, Jeff, tu veux mais rajouter quelque chose? Ça, j'avoue que j'ai eu un petit moment d'angoisse pour eux autres parce que je me disais, si j'étais à leur place, je serais vraiment. J'aurais un gros dilemme parce que t'as des créatures qui veulent les manger. Mais en même temps, t'as ce tunnel-là que tu sais pas où ça va t'envoyer. Puis la fille, elle dit, je pense, elle dit, mais d'un coup, qu'on est fusionné qu'une montagne ou quelque chose, là, tu sais, quand on ressort de là, tu sais, j'espère que. Tu sais, ils savent pas. Puis moi, je me disais dans ma tête, je me faisais plein de scénarios. D'un coup, qu'ils passent dans le tunnel, puis ils atterrissent en plein ciel, puis là, ils tombent vers leur mort ou quelque chose, tu sais, ou dans pleine mer, en plein océan, ou peu importe, tu sais. Je le sais vraiment pas. Et moi, oui, les créatures, j'ai trouvé pas crédible. Là, je comprends votre idée de. Mais quand qu'elle bouffe, elle bouffe le gars, attends, il y a un gars qui s'est fait blesser par balle, puis il le bouffe. Puis après ça, il joue un peu avec eux, puis il se ramasse isolé, puis la fille a dit on est pris au piège, puis le gars, il dit ben non, parce que s'il avait voulu nous attaquer, il l'aurait fait. Fait que, tu sais, il y a cette ambiguïté-là de, ben, il a raison, c'est qui, c'est quoi? Moi, j'avais pas compris c'était qui, c'était quoi. Et finalement, on comprend que, en fait, c'est eux. Parce que eux, ils ont décidé de traverser le tunnel. Ils se sont ramassés à la même époque où les 9 premiers alpinistes ont disparu. C'est eux, les 2 cadavres de plus. On les accroche, sur des crochets. Donc, on les prend comme morts. Et on se rend compte qu'ils sont creusés par en dedans, qu'ils n'ont plus vraiment de peau. Et c'est eux qui ont traversé le tunnel. Et de l'autre côté, donc, on est à l'autre époque, là, 50 ans plus tôt. Et c'est des vieux Russes, là, 50 ans, qui les découvrent, puis qui les mettent dans le bunker. Puis c'est comme ça qu'ils deviennent un peu ces créatures prises dans le bunker, qui doivent peut-être sans fin essayer de retraverser. Tu sais, ça l'enlève tout mystère. Je suis d'accord, parce que ça l'enlève tout mystère de la montagne, mais je trouve que pour leur existence à eux, ça l'enlève pas tout mystère. Puis c'est pour ça que je suis ambiguë. Parce que, autant que je suis tout à fait d'accord avec vous que t'es poche, parce que j'aurais pas voulu de réponse sur ce qui se passe dans cette montagne-là, puis comment les 9 alpinistes sont morts, puis, tu sais, les images qu'on voit au début, c'est vrai, là. Il y a une des alpinistes qui a été découverte, pas d'yeux, puis plus de langue. Mm-hmm. La langue avait été arrachée, ses yeux étaient disparus. C'est vraiment dégueu. Puis, on nous donne une réponse, mais en même temps, est-ce qu'on nous donne vraiment une réponse sur eux? OK, on peut. Mais sur nos deux personnages principaux, le gars et la fille, qui finissent en espèce de monstre qui repasse et repasse sans cesse dans le tunnel, je trouve qu'on nous laisse quand même de l'ambiguïté puis une place à l'imagination de pourquoi ils sont rendus aussi creepy, pourquoi ils sont aussi... Tu sais, qu'est-ce qui leur est arrivé pour être aussi dégueu? Fait que moi, il y a quand même... J'ai quand même une part de mystère que j'essaie de réfléchir depuis ma première écoute, qu'en réécoutant, j'ai pas la réponse. Ah, ben tu vois, il dit vite quand il parle de l'expérience de Philadelphie. Il dit, il y a du monde qui ont muté puis qui sont devenus fous. Puis tu vois, moi, j'ai pris ça comme ça, puis j'ai fait, ah, ouais, puis en plus, ils ont la possibilité de se téléporter. Parce qu'à tout bout de champ, ils font comme juste disparaître puis réapparaître à quelque part. Là. Mais c'est ça. T'sais? ils ont la possibilité de se téléporter, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont ils peuvent se téléporter, fine, mais ils sont rendus creepy. T'sais, ils ont plus de cheveux, ils ont une bouche étirée, pas de dents. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont passé souvent dans le tunnel à essayer de s'en sortir? Ou c'est parce qu'ils ont passé une fois, puis c'est ça qu'ils ont eu l'air en retour? Ouais, parce moi, qu'ils ont passé sur des feeling, crochets? J'ai eu le feeling que c'était... Ils ont passé une fois là, ils sont sortis un petit peu tout croche. Ils ont passé leur vie pendant 50 ans, crochet après crochet, puis là, tout d'un coup, ils réussissent à s'en sortir. C'était un peu ça, mon feeling. Parce qu'en même temps, autant elle que lui nous donne durant le film... Tu sais, là, Steven, la scène que tu décris, là, qui était sur la scène, puis il y a eu des créatures qui le poursuivaient, moi, j'ai l'impression que c'est lui et elle. Tu penses que ces créatures-là sont sorties de la montagne, puis ils l'ont poursuivi sur la scène? Ben, pas... Moi, j'ai, j'ai l'impression que oui. C'est parce que lui, quand il raconte ça quand c'était à son école, puis ses amis l'ont retrouvé dans la rue, puis il dit « Ah, qu'il a vu des créatures. » Fait qu'en même temps, il me semble qu'il y a des trucs qui font en sorte que ça... peut pas vraiment fonctionner, que ce serait ça. Quoique, tu m'as fait douter pendant un instant, mais... Elle qui dit « Je rêve souvent que je rentre dans un tunnel puis je peux plus... » Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce voyage-là souvent. Puis que les créatures, c'est... Ils sont attachés à ces créatures-là. Tu sais, quand on commence à parler du voyage dans le temps, on s'entend que c'est très complexe, là. Docteur Who arrête pas de le dire, c'est Weebly Gibbly Doo, là. C'est très, très, très complexe, le voyage dans le temps. Puis, moi, j'ai l'impression que les créatures et eux sont pris dans une espèce de continuum spatio-temporel. Ben, c'est sûr que ça va... C'est un événement qui se répète tout le temps parce qu'eux autres, en rentrant, ils se ramassent dans le passé, ils arrivent ça, ils vont venir au monde. Comment la caméra se ramasse là? Mais c'est la même caméra qui ont des mains, dans le fond. Au moment qu'il se filme et que la fille apprend la caméra pour toutes les vidéos, c'est la même caméra qui a des mains. Mais tu sais, quand ils passent dans le passage, leur corps, je ne sais pas, pantoute ou qu'ils apparaissent, peut-être qu'ils reviennent en base, mais pourquoi la caméra, elle réapparaît sur la table là puis qu'elle fonctionne encore? Parce qu'on s'entend-tu que ça fait 50 ans d'abord que la caméra est là? Oui, c'est ça. La caméra, ça fait 50 ans qu'elle est là. Mais c'est impossible qu'elle fonctionne encore en 50 ans, la caméra. C'est impossible qu'elle fonctionne encore et qu'elle ait encore des batteries, là. Parce que clairement, le gars russe pogne la caméra et fait comme que j'ai ça, blablabla, puis il le met là. Mais oui, non, c'est sûr que tu peux pas arriver après ça. Fait comme, une caméra encore fonctionnelle. Mais ouais, ça c'est weird. C'est vrai, la caméra, j'y avais pas pensé. Parce que les deux créatures, tu le dis, Steven, tes voix en background, ils sortent de là. Ouais, ils réussissent à sortir. Ils sont pas pris, là. Ben non, les traces de pas, c'est ça qui explique. Ben c'est ça. Ils sont pas pris, là. Mais en même temps, je sais pas si j'ai vu des créatures dans la scène que je dis en question, parce que après j'ai eu le feeling, parce que tu l'as pas mentionné, mais que c'était les deux gars de l'armée ou je sais pas trop, puis j'avais le feeling que c'était eux qui se cachaient dans la montagne. Ah, puis que les traces, parce que oui, c'est ça, parce que moi mon feeling c'était ça un moment donné, c'était que les traces c'était les gars de l'armée qui faisaient juste les mettre pour dire sacré votre éloignez-vous, camp, genre de la place. Éloignez-vous, on veut pas que vous trouviez quoi que ce soit, puis c'est genre, bon ben, too bad, vous avez trouvé la porte. Just too bad, on fait une avalanche, vous êtes mort. Parce que tu sais, il y avait de la neige devant la porte, elle était fermée. Fait que logiquement, il n'y a pas d'autre endroit où sortir. Puis si ils prennent l'espèce de conduit temporel, puis se retrouvent à l'extérieur, comment ils feraient pour retourner à l'intérieur si la porte est enneigée puis personne ne l'avait déneigée? Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis que ce film-là est plus complexe qu'il ne laisse paraître. Moi, c'est le feeling que j'ai eu à la première écoute, puis c'est pour ça que j'avais envie de le réécouter, puis c'est pour ça que je l'ai proposé ce soir. C'est que j'avais vraiment envie de voir est-ce que c'est des erreurs de scénario, c'est des plots scénaristiques, des plots holes, ou c'est vraiment des moments où on est censé se poser des questions. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que ils se sont dit, on va intégrer ça, t'sais, on va intégrer des gars de l'armée. Le monde va dire, c'est peut-être l'armée qui pourrait reculer dans mon grand. Le monde va penser, peut-être c'est des mutants. On va foutre des mutants. Ils ont parlé un peu d'OVNI. On va foutre de quoi d'étrange qui pourrait peut-être faire penser qu'il y aurait un truc avec les OVNI, mais finalement, c'est le voyage dans le temps. Mais je pense pas que ça soit tout voulu au point que ça soit vraiment profond, brillant, parce que honnêtement, si tu écris un scénario avec une finale autant élaborée, puis tu veux faire quelque chose d'intelligent qui va permettre au spectateur de réfléchir, tu ferais pas une erreur aussi stupide qu'avec la caméra. Parce que moi, je trouve que c'est une erreur quand même insignifiante de se dire que la caméra va fonctionner encore puis qu'ils vont tomber dessus. je trouvais que c'était une ficelle un peu trop niaiseuse pour me dire que le restant du scénario, tout est super bien élaboré puis voulu. Fait que je pense plus qu'il y a des plot holes puis que c'est des accidents en tant que tel. Là. Ouais. C'est sûr, mais moi, c'est sûr que la caméra, je le vois comme une erreur. Le reste, oui, ça peut être ambigu, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de solutions possibles. Tu sais, les trucs qu'on voit en arrière, c'est soit les soldats, soit les mutants. Ma théorie reste les soldats, parce que comme tu dis, Steven, le seul moyen de sortir, c'est par la porte, puis la porte, ben, il y a de la neige, malgré que d'autres peuvent se téléporter. Mais ils se contrôlent. Il disait des fois, les traces de pas commencent, puis ils se finissent comme s'ils venaient d'apparaître du ciel. La langue. Ouais. OK. Ouais, OK. Je vais être d'accord. Je vais dire que c'est les créatures qui sont sorties. Parce que les traces de pas commencent à quelque part, puis ils finissent à une autre place sans qu'il y ait comme de début, non. Puis la langue. Moi, c'est ça. Puis tu sais, j'ai l'impression, ouais. Comme on dit, la caméra, c'est la même. Mais est-ce qu'elle revient du même espace-temps? Puis est-ce qu'elle revient du même espace-temps que le Russe l'a trouvé? Le Russe l'a trouvé, il l'a mis là. Mais elle a peut-être revoyagé 4, 6, 10 fois depuis avec les créatures. Ils ont peut-être essayé de revenir, puis de s'en sortir, de revenir, puis de s'en sortir, puis de revenir, puis de s'en sortir, puis ils n'arrêtent plus. Puis c'est pour ça que les créatures, qui sont eux, ne les tuent pas, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils passent par là. On est d'accord, par exemple. Oh oui, non, ça c'est sûr et certain que les créatures ne les tuent pas parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes. Je pense pas que ce soit les créatures qui ont mis la langue dans la boîte. Pourquoi les créatures prendraient la peine d'aller à une petite boîte, d'ouvrir, puis de foutre la langue là? Pourquoi est-ce que l'armée mettrait la langue là pour lui faire peur? Peut-être pour justement encore repousser les touristes comme être les traces de pas. Un coup qu'on arrive à la montagne, est-ce qu'on est dans un espace-temps ou on est dans l'autre espace-temps? Ben, l'espace-temps. Parce qu'un coup qu'on arrive, on arrive puis dit tout de suite, on n'est pas au bon moment, on devrait être le soir puis on n'est pas le soir. Il y a de quoi dans ça serait la langue? Excuse, vas-y, Steven. Ah, excuse-moi, je l'ai pas te coupé pendant. Mais justement, c'est clair que ça répond au questionnement du comment ils ont fait pour arriver rapidement à la montagne. C'est clair qu'il y a un passage, il y a de quoi en dehors de du conduit peut-être qui les fait passer dans le temps. Mais parce que les soldats, on les voit attaquer, mais on les voit pas. Fait que ça pourrait être des vieux Russes. Et quand ils attaquent, moi, j'ai toujours trouvé ça spécial. Vous remarquez, quand ils attaquent, au lieu de foncer, ils s'accroupissent puis ils se mettent à terre avec le gun en avant. C'est une vieille position d'attaque, genre Deuxième Guerre, Première Guerre mondiale, quasiment avec un mousquet. Au lieu de foncer avec un arme semi-automatique, un arme à la Rambo, ils se couchent à terre puis ils visent de loin. Comme on voit comme on pourrait l'imaginer d'une autre époque. Ben, je pensais qu'ils se couchaient à terre parce que ça explosait comme des flares ou des grenades. Je sais pas trop pourquoi ça pétait à ce moment-là. Là, mais ils tiraient des flares. OK. Mais... Ouais. Non, vas-y, Vicky. J'avais l'impression qu'il y avait juste pas les guns appropriés, tu sais. Mais leur tirer dessus, ils ont une raison de leur tirer dessus, là. Ben, pour protéger l'endroit. Ils veulent pas qu'ils ouvrent la porte puis qu'ils laissent sortir ces créatures-là. Mais c'est sûr que quand tu tombes dans le film du voyage dans le temps, tu tombes tout le temps avec quelque chose qui va créer tellement des discussions puis tu sais, moi j'en reviens toujours à, puis c'est pour ça que Retour vers le futur va fonctionner, exemple, c'est quand tu tombes dans des films de voyage dans le temps, tu dois expliquer ta logique de ton voyage dans le temps. Ouais. Car si la logique de voyage dans le temps est pas claire, tout le monde autour va avoir des interprétations parce que chacun a sa vision dans sa tête de comment un voyage dans le temps fonctionne. Il y en a qui vont voir la fameuse « tout est sur la même ligne du temps », un peu comme dans ce film-là, tu sais. Eux autres, ils ont influencé le passé, puis même si, avant qu'il existe, le passé a déjà été influencé. Il va y avoir des voyages dans le temps comme dans « 12 singes » où ce que... Même si tu as voyagé dans le temps, ça s'est déjà passé puis tu ne peux rien y faire, c'était déjà écrit. Puis tu as d'autres des voyages dans le temps comme dans Retour au futur où est-ce que tu crées des réalités différentes, alternatives, tu sais. Fait que là, moi, souvent, quand j'écoute un film de voyage dans le temps, j'essaie toujours de me demander il est dans laquelle de ces théories-là. Puis moi, je penche pour la théorie du 12 singes. C'est que ça s'est passé dans le passé. C'était eux autres. Puis dans notre temps aujourd'hui, il n'y avait juste pas le choix de rentrer là-dedans pour aller influencer le passé puis devenir ces créatures-là. Tout est écrit à l'avance. C'était un peu ça, moi, mon interprétation avec ce film-là. Ben, avec la fin, t'as pas le choix, mais en même temps... C'est parce que ce qui est dommage, c'est que ça nous enlève tout le poids du mystère de l'histoire vraie. Ouais. C'est que là, on se concentre sur ces personnages-là qui n'ont pas existé parce que, ah, ils étaient pas 9, ils étaient 11, mais c'est pas vrai. Ouais. On se concentre sur eux, puis on en vient à tout oublier le vrai mystère. Ouais. Ça, c'est ça que j'ai trouvé dommage, moi, puis c'est ça que j'ai trouvé plate quand j'ai fini le film. C'était pas les mauvais effets spéciaux, moi, qui m'avaient marqué, c'est... Ah, oh, en me donnant une réponse, vous m'obligez à me pencher sur un problème tierce. Un problème qui ne devrait pas être un problème. Ben, c'est le scénariste qui a pris un échappatoire et qui a dit moi je prendrai pas la. J'essaierai même pas de l'expliquer le vrai événement. Je vais m'en créer un autre qui est parallèle ou qui est collé avec lui. Là. Je vais la poser, je vais le coller là-dessus, puis je vais. T'as raison. Ouais. Oui. Parce que c'est sûr que tu sais, de dire ouais, mais finalement, ils se sont fait attaquer par des créatures qui ont voyagé dans le temps. Tu fais comme ah ouais, ah. Colin, ben écoutons, c'était ça ta théorie. On va prendre deux personnages qui ont juste une vieille madame à quelque part en Russie qui se rappelle d'eux autres, mais les vrais faits, eux autres, ils restent intouchables, t'sais, intouchés. T'sais. Ouais. Je vais te dire une opinion de toi, Seb. Toute la dernière partie, je ne l'ai pas trouvé emmerdant. Je l'ai écouté sans me dire « Ok, je veux arrêter le film », mais... J'ai vraiment pas aimé ça, que ça balance toutes ces réponses-là, ces questionnements-là. En même temps, je trouve ça fucking intéressant pour la discussion spoiler, puis je pense que c'est un de notre section spoiler les plus intéressantes qu'on a faites à la date sur Horror Gamer. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est juste maladroit, puis que c'est plein de trous, puis que le scénariste s'est servi du voyage dans le temps pour justifier ces trous-là, mais qui sont pas volontaires. Fait qu'en même temps, je trouve que c'est raté sur ce point de vue-là, de cette partie-là. Fait que j'ai bien la misère, dur, j'aime vraiment pas. Ouais. C'est dur, parce que autant j'aime le mystère, les créatures, bon, même si sont mal faites, m'ont fait peur parce que je trouvais qu'ils réussissaient à quand même. Tu sens qu'ils t'amènent à quelque part. T'sais, s'ils se ramassent devant le passage, c'est parce qu'ils les ont poussés vers là. Mm-hmm. Oh, oui. Moi, j'avais vraiment peur, puis j'étais comme, ils veulent pas te manger, moi, j'étais vraiment ouf, OK? Puis le gros problème, là, c'est que. Moi, c'est anecdotique, mais il faut que je le fasse quand même. En sixième année du primaire, et on était invité à une pièce de théâtre. Moi, j'étais genre en 3 ou 4e, ma sœur est plus vieille, fait que ma sœur a joué dans la pièce de théâtre, puis c'est sur une maison hantée. Puis toute la pièce de théâtre est sur le fait qu'il rentre dans la maison hantée, puis qu'il trouve un livre, puis dans le livre, ça l'explique tout. Et moi, j'ai vu ça en 3e année du primaire. Fait que quand je vois ça à 30 ans, je suis comme, ben, il y a des gens de 6e année du primaire qui l'ont écrit comme ça. Force-toi pour l'écrire autrement. Fait que quand ils rentrent, puis ils trouvent la pile de documents, puis j'ai revu ça encore dernièrement, je me souviens plus dans quoi, mais c'est exactement le même feeling que j'ai eu. Ça rentre, puis ça découvre une pile de documents qui explique tout avec 3-4 photos, puis 3-4 classifieds. Je trouve ça pauvre comme... C'est frustrant comme réponse. C'est comme j'aimais mes réponses que je me suis faites dans ma tête, puis tes réponses me font chier parce que c'était moins bon que ce que j'avais. Là. Ah, mais même ça, c'est des fois, c'est juste... Tes réponses, t'aurais pu te forcer pour me les donner de façon plus dynamique que ça, là, tu sais. Mm-hmm. Plus subtil, moins dans ma face. Je veux dire, dans la pièce de théâtre, je suis dans un aréna. Il n'y a même pas de décor, câlisse. Ils n'ont même pas l'argent pour faire des décors. T'es au primaire. C'est une gang de jeunes qui se font rentrer dans une maison puis qui font « Mais qui est la jeune femme? » Chair de poule. Y a-tu le meilleur exemple que chair de poule? Pas chair de poule, mais l'autre, là, fais-moi peur là, avec le feu. Ça finissait tout le temps comme ça. On va découvrir un document qui va tout décrire c'est qui la personne, puis le problème est réglé. T'sais. C'était tout le temps ça. Ben moi, je l'ai vécu là, puis j'étais comme non, tu découvriras pas une pile de documents russes avec trois mots. Déjà en partant, Steven, tu connaissais ça l'affaire Philadelphie, toi? Moyennement, j'ai déjà entendu JF en parler beaucoup. Là. Moi aussi, mettons, moyennement. Fait que si c'était toi puis moi qui s'était ramassé dans les montagnes, on aurait vu des documents avec Fleuve Défi Project, puis on aurait fait « Cool, du bagel! » Ouais. Hommage Philadelphia. S'il te plaît, Seb. Oh! Mais écoute, j'étais comme, t'as peu... Philadelphie, es-tu réputé pour ses bagels? Tu sais, j'étais ailleurs, j'étais complètement ailleurs. Non, pensons que hommage Philadelphia. Fait que tu comprends, je veux dire, que le hasard soit là en tabarnak pour que le gars qui va découvrir les documents comprenne les 10 documents, là. Puis en même temps, ils sont pas en russe, ces documents-là? Ouais, ben, tu sais, puis là, je fais, hey, mais ces mots-là, je les connais. C'est killed in action. OK, c'est... toi, tu connais, t'as pas beaucoup de russes, mais les mots que tu connais, c'est killed in action. C'est important, ça. Ouais, c'est puis l'expérience de Philadelphie, il en est venu à là parce qu'il y avait la photo du bateau, l'Eldridge. Fait qu'il en est venu. Mais je veux dire, ouais, tu connaissais le bateau. Parce que tu voyais les... Ben, l'Eldridge, on en... ouais, quand tu connais l'événement, tu sais le nom du bateau. Quand tu connais l'événement, JF, ouais. Mais t'as une chance sur combien de pogner le gars qui connaît l'événement qui est dans les montagnes de l'Oural. Non, c'est il ça. Il est assez ferré pour reconnaître le bateau. Mais si t'aimes les phénomènes paranormaux, si t'aimes les triangles des Bermudes, oui. Ben même, tu vas connaître l'expérience de Philadelphie. C'est une des affaires les plus connues du 20e siècle là, dans ce domaine-là, je pense. En tout cas, je dis ça de même. Mais en tout cas, tu comprends un peu mon point. Là, oh, oui. Je veux pas l'insister, mais c'est juste dire, moi puis Steven, on était là, on était fait. On n'aurait pas compris genre. Dans tout ça. En fait, hey, y a une espèce de gros truc noir, tout, je dis pas. On n'aurait pas compris c'est quoi, là. C'est ça que peut-être je veux dire. Peut-être que vous seriez allé juste faire comme, on y va. Ça doit être une porte. Ça a l'air amené à quelque part. Mais semble quand ils découvrent des créatures, les réactions des personnages sont pas trop fréquentes. T'sais. La fille, elle va se prendre quasiment pour une guerrière avec sa chaîne, puis elle va tourner ça de même. Puis elle... Ouais, là, la chaîne, j'étais comme Colin. Au moins, sors-moi une barre de métal, un tuyau, quelque non, chose. Ça, c'était PlayStation style, comme The GF. Ouais, vraiment. Si on parle genre, de je fais ton arme, là. Et si on parle de réaction, j'ai même pas trouvé qu'il réagissait tant que ça à la mort de Denise, là, au milieu non. du film. Non. Cinq minutes après, ils ont l'air tout corrects, puis déjà, ils font. Mais tu sais, je comprends qu'en même temps, ils ne connaissaient pas tant que ça, mais ils ont quand même un peu fraternisé depuis le début du voyage. Il y en a un qui est en train de fourrer ben, avec. C'est ça, tu sais. Mais ils n'essayent même pas de la chercher. Qui dit qu'elle n'est pas juste en dessous de la neige, puis qu'elle n'est pas morte? Non, automatiquement, ils disent qu'elle est partie. Elle est morte. Et puis là. Je trouve ça un peu stupide, là. Elle aurait pu survivre en dessous de la neige, là. Ouais. Mais je te seconde, Steven, pour la finale. Tu sais, j'aime mieux la section spoiler, là, que la fin du film. Moi, j'ai même pas posé tant de questions que ça, j'ai même pas compris que les créatures c'était eux autres. T'sais. Ça fait du sens. Oui, okay. Là. Ça, à ça cause de l'aile de l'ange. Non, mais la fin, oui, mais pas les créatures dans le bar. Ah, ok. Tu voyais pas que c'était eux autres qui étaient accrochés, qui sont devenus. J'ai pensé que c'était des militaires qui avaient muté, là, c'est tout. Là. Ok. C'est pour ça que moi, tu réponds à ma question, JF. Je voulais l'écouter parce que moi, j'avais plein d'ambiguïté quand j'ai fini ce film-là. Puis, je me dis, ben, moi, j'en avais pas, tu sais. Puis. C'est plus intéressant à parler, ça veut dire que moi, je me suis posé beaucoup trop de questions pour ce film. Mais j'ai juste vu ça comme un petit fond footage cheap, puis à la fin, je l'ai fini, puis j'ai fait « Ok, c'est beau, c'était poche. » Tant qu'à avoir un genre de film comme ça qui joue avec des choses comme ça, je reste dans le vague, tu sais, Triangle est beaucoup plus un genre de film où à la fin, tu t'assois puis tu veux jaser avec du monde pendant une heure, tu sais. Je sais pas si tu l'avais vu, Triangle. Oui, mais Triangle, tu sens qu'il y a un gros travail au niveau du scénario, ouais. Même Time Crime, tu peux en discuter des heures après parce qu'il y a tellement de détails. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est pas. Ben, c'est parce qu'arrive avec Triangle et Time Crimes aussi, c'est que tu vas en discuter sans jamais trop retomber dans des. Ouais, mais ça marche pas. T'sais, tu sais, dans ta discussion, tu vas, t'en arriveras pas vraiment à. Ouais, mais ce bout-là marche pas d'abord. Ouais. Tu vas tout être comme. Ah non, mais attends pas, il y a ce bout-là. Ouais, fait que notre théorie est pas bonne. Parce que t'as pas l'impression que t'as affaire à des plot holes. T'as plus l'impression que t'as affaire à. Non, une couche de plus complexe, tu sais. Il y a de quoi avec ces films-là qui sont plus. Qui sont plus. Ils frappent dans le mille, là, dans ce genre de film c'est de mieux écrit. Voyage. Ouais. Mais, tu sais, pour être fair avec le film, c'est vraiment juste les effets spéciaux, surtout qui m'ont gossé à la fin, là, qui m'ont fait décrocher de la finale. Après ça, je me suis même plus posé de questions. J'ai fait, non, je. Tu sais, le tunnel, il est beau, tout. Mais c'est ça, les créatures. Moi, les créatures dans le bunker, puis les deux. À la fin, toute fin, dernier plan, j'ai fait non, je trouve ça let, là, ça me fait décrocher totalement ça me rappelait... côté réaliste de la chose. Là, ça me rappelait beaucoup des créatures d'I Am Legend, puis j'étais comme. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, la. Mais il nécessitait pas. La fille dans Wreck est vraiment épeurante dans le Night Vision, tout ça. Ouais. Tandis que là, ça marchait pas. Là. Pour moi. Mais c'était même pas nécessaire qu'il soit fait par CGI, c'est ça qui était plate un peu. Surtout sur le crochet. Tu sais, moi, j'aurais vu plus des créatures à la de Descent. Ouais. Oui. J'en avais eu des créatures à de descente. S'il avait été chercher la personne qui fait maman, là, ça aurait été intéressant. Ou tu sais, à la limite, si tu veux prendre cette tournée-là puis me donner autant de réponses puis que ça gâche le reste, ben tu sais, fous-moi-en plein la gueule puis fais-moi une dernière partie intense puis qui te donne du spectacle. Puis là, je trouve que même là, c'est pas mal ordinaire. Là. Non, t'as pas tort. Pardon, est-ce qu'on avait autre chose à rajouter? Dernier détail. Moi, il y a un cliché du fan footage que j'ai pas mentionné, en tout cas, dans celui-là, puis vous non plus, que moi, ça m'écœure de voir ça, puis c'est une des pires erreurs qu'il devrait arrêter de faire. Tu ne fous pas une image dès le début du film qui montre quelque chose de la fin. Ça me bug. Ouais. Ça me bug à chaque fois. Okay, je sais quoi l'image? Pas... Tu vois, durant le reportage à télé, ils montrent la dernière vidéo des personnes qui ont disparu. C'est la night vision quand le gars et la fille discutent dans le tunnel avant de prendre le téléporteur. Puis déjà, automatiquement, tu sais qui va rester à la fin. Tu sais que les autres vont tous crever. Puis t'attends cette scène-là. Puis ça te gorge beaucoup d'éléments. Okay. Puis ça me gossait. Puis ils font souvent ça. Puis ça m'énerve. Je dirais pas que nécessairement ça me disait qui allait rester ou pas. Là. Je sais même pas où ils étaient, en fait. Moi, je me disais, ils sont peut-être dans leur tente. Ils sont peut-être. Mais tu sais, c'est une façon d'accrocher le spectateur en se disant, mais il faut qu'on dise au spectateur qu'il va arriver quelque chose à ces gens-là aussi. Mm-hmm. Qu'ils vont pas juste enquêter sur un vieux meurtre, une vieille affaire de 50 ans. T'sais, qu'il faut dire qu'il y a un mystère. Fait que c'est juste un truc scénaristique pour t'accrocher et dire « Oh, il va arriver quelque chose à cette gang-là. » Mais c'est plate parce que tu attends juste cette scène-là après. Ouais. Tu le sais qu'elle va venir, la scène. Ouais. Je l'attends. Ben, moi, je l'attends pas. C'est juste qu'elle me reste un peu dans la tête. Puis quand elle arrive, je suis comme « Ah ouais, okay, c'est ce qu'il nous montre au début. » Mais je finis par l'oublier rapidement. Mais tu sais, je dis ça en même temps, c'est pas nécessaire que dans Willow Creek, ils nous auraient mis un extrait de la scène de tente. C'est pas nécessaire non plus. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Ça marche quand même si tu l'as pas. Là, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais. Ouais, je pense que oui. Alors, on est de retour avec nos recommandations. Jean-François. Si vous le revoyez sur Netflix, regardez-le, c'est divertissant quand même là. J'ai dit tantôt le mot poche, mais c'est pas vraiment poche, c'est juste la finale que j'aime vraiment pas. Sinon, j'étais embarqué quand même, puis j'aimais ça. J'ai rien compris de ce que vous autres aviez compris à la finale, mais là, je suis content de vous avoir écouté parce que j'ai compris. Mais c'est pas mon fond de footage préféré, loin de là. Vicky? Ben, moi, je voulais conseiller, puis je vais continuer à le conseiller parce que je trouve que la discussion que ça l'amène, c'est intéressant, puis ça fait aussi découvrir le fait divers réel qui est arrivé il y a une cinquantaine d'années à ces alpinistes-là. Fait que je trouve que c'est quand même un très bon film, puis je vais continuer à le conseiller. Steven? Pour les 10 premières secondes, allez-y. Non, c'est pas vrai. j'ai quand même apprécié tout le restant du film avant le bunker, malgré ses clichés puis ses facilités. Fait que je le conseille pareil, pas en priorité. T'sais, si vous tombez dessus, vous avez la chance de le voir gratuitement, allez-y, c'est pas non plus une perte de temps, mais attendez-vous pas non plus à avoir le meilleur fan footage des dernières années. Là. Ça va être la même chose pour moi aussi. Ça va être un... Écoutez-le, mais allez pas dépenser de 20$ pour un DVD ou prenez-le d'une vente de garage, pas trop cher à la limite. Mais sinon, sur Netflix, espérons qu'il va réapparaître à un moment donné parce que c'est quand même pas négligeable des fois à travers toute la crap de found footage sur Netflix. Je pense que c'est pas le pire. C'est de loin. En tout cas, je recommence ma phrase. C'est quand même pas un des pires de la gang. Puis, juste comme ça, Vicky, ça passerait-tu au resto? Oui, moi, je pense que c'est trop complexe? Non, ça ferait bien. Ça serait le fun d'une discussion après film, ça. Ça, c'est le genre de film que tu passes puis que tu discutes avec les gens autour, comme qu'on vient de faire dans la section spoilers. C'est good. Il me semble que ça amène la discussion, ce genre de film-là. Yeah, ben oui. Puis, ben c'est ça, on va aller voir notre ami Manu Ouellette pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous proposer comme chanson et on revient avec nos recommandations et la conclusion. Salut, c'est encore Manu de Radio Enfer 666 pour vous présenter le deuxième interlude du podcast de Horreur Gamer. J'aimerais vous présenter un de mes coups de cœur de 2015. Il s'agit du band Psy et l'album Graveward, qui est un album concept où chaque chanson est une histoire d'horreur. Donc, on s'en va écouter la chanson The Forlorn, où Psy nous raconte l'histoire d'un homme qui est décédé et qui voit son corps, mais que personne ne le voit. Donc, vraiment une histoire horrible. Et vous écoutez ça maintenant sur les ondes de Horreur Gamer. Et c'est déjà la conclusion de cet épisode, ma foi. Je pensais que ça allait être plus drôle qu'intéressant, mais finalement, ça a été plus intéressant que drôle, finalement. Un très, très bon mélange d'épisodes. Moi, c'est le même que je les aime. Quand ils nous surprennent, là, on s'est cassé la tête en Moses parce qu'il fallait vous sortir des suggestions pour d'autres films d'horreur russe. On a peut-être été en dehors de la ligne directrice, mais ça reste que des bonnes suggestions. Alors, on va commencer avec toi, Steven. Quelle suggestion tu as pour nous autres? Je vais dans la facilité parce que j'ai pas une grosse bibliothèque de films russes d'horreur. Fait que j'y vais avec. C'est bien ça, la fin que t'as pas dans ta bibliothèque d'horreur. Ouais. Fait que j'y vais avec le moyennement aimé, mais que moi j'ai été très agréablement surpris, le fan footage Chernobyl Diary, qui se déroulait justement dans la ville de Chernobyl avec les radiations, puis un groupe de personnes qui allaient faire un genre de documentaire-là, qui vont rester coincés dans les radiations en compagnie de quelque chose qui traîne là-bas. Je trouvais que c'était un fan footage vraiment réussi techniquement, mais qu'il était vraiment intriguant et efficace. Puis un peu dans le même style que de Devil Past, je trouve qu'il y a des petits liens à faire entre les deux. Je crois que Chernobyl Diary est un meilleur fan footage selon moi, mais je beau statement. Tu vois que, tu sais, contrairement à Devil's Pass, celui-là, il est capable de créer des scènes de tension, comme la scène de la vanne d'un début du film avant qu'ils arrivent dans l'usine ou dans le centre nucléaire. Je veux dire, mais dans vanne, tu trembles avec eux autres, t'as des frissons. Là. Et honnêtement. Et mauvaise idée, tu sais. Mauvaise idée. Et le film m'a offert le jump scare qui m'a vraiment failli me donner une crise cardiaque de ma vie avec l'ours qui sort de nulle part. Ça m'a débile le crise cardiaque que j'ai eu. Tu sais, même la passe des appartements, c'est Pripyat, je pense, la ville à côté de Tchernobyl. Ouais. Puis tu sais, les appartements-là, c'est stressant. Au bout. Moi, j'ai vu sur grand écran, j'ai adoré ce film-là. Ouais. Good. Non, c'est vrai, j'avais écouté un après-midi à super écran en me disant « Off, je file pas trop, je vais écouter un petit film léger. » Finalement, non, j'ai bien apprécié. J'y vais avec ma suggestion, moi. Moi, je suis un de ceux qui déroge, mais qui va quand même y aller avec, je pense, un film russe qu'il faut avoir vu, au moins pour son importance dans l'influence qu'il y a eu dans le cinéma. Et c'est le Cuirassé Potemkin. C'est quoi ça? Ah! Avec Steven Seagal? Avec Steven Eisenstein. Non, ben sérieusement, ce n'est pas un film d'horreur, c'est plus un drame historique. Mais ça a été réalisé en 1925. Vous allez le trouver facilement sur YouTube. Écoutez-le peut-être pas au complet, mais allez y jeter un coup d'œil. Vous allez vous rendre compte qu'en 1925, on était capable de faire des trucs qui étaient quand même visuellement impressionnants. Autant d'un côté montage que d'envergure de certains plans. Oui, c'est ça, de l'envergure, puis c'était des plans qui demandaient beaucoup de travail, puis sérieusement, Eisenstein a fait de très, très belles jobs là-dessus. Le film manque peut-être un peu de rythme, là, mais sérieusement, quand on regarde un truc comme Vie, qui a été fait en 67, Cuirassé Potemkin, qui a été fait 42 ans avant, Cuirassé Potemkin a envoyé chier la réalisation de Vie assez solidement. Merci. Eisenstein était solide aussi. Puis, la scène du carrosse de bébé, c'est classique. Là, En fait, là, tu dis que c'est pas un film d'horreur, mais c'est pas vrai. C'est de la torture porn parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai envie de déchirer ma chemise. Pendant... C'est le genre de film obligatoire pour des étudiants en cinéma, putain, que c'est lourd. Oui, c'est pour ça que mon conseil n'est pas de l'écouter au complet, mais d'aller jeter un œil. Ouais, parce que c'est le genre de film que c'est bien de dire en soirée cocktail. Ah, oh, tu sais, la scène devant l'église, De Palma la si bien. C'est ce qu'on utilise, De Palma? De Palma, dans Les Incorruptibles. Ouais. De Palma la si bien repris. Quel clin d'œil à ce chef-d'œuvre russe. Ah, ta gueule. C'est pas évident le travail de Eisenstein. Tu regardes ses autres films aussi, c'est pas. J'en ai vu d'autres. Là, puis... Non, puis c'est pas pour rien que c'est d'un coup. Non. Mais c'est un maître du montage. Il a révolutionné le monde du montage. Là. Exactement. En fait, c'est lui aussi qui a fait des tests. Si je perds mes mots en soir, mais il y a eu des tests que c'est vraiment, vraiment intéressant à trouver. Ils ont pris le même plan, un plan. Ils l'ont tourné une fois. C'est un monsieur super, super neutre. Un plan rapproché, portrait d'un monsieur très, très neutre. Et Eisenstein, si c'est bien lui ou en tout cas son équipe, faisait des tests en mettant un autre plan après. il demandait aux gens qu'est-ce que le monsieur essaie d'exprimer. Fait que là, t'avais un nounours, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui joue au ballon, quelqu'un en colère, quelqu'un qui se frappe le poing. Et les gens voyaient toujours une nouvelle expression sur le visage du monsieur, alors que c'était le même plan qui collait au fur et à mesure. La suggestion du montage. Oui, exactement, puis c'est dans ces tests-là. Et le cuirassé de Potemkin, c'est un peu un résultat de cette réflexion-là, c'est de dire qu'on peut allier deux choses pour créer une nouvelle idée. Mais à un moment donné... Tu crées ton film à trois fois, genre au scénario, au tournage, puis au montage. Tu oui, fais... c'est ça, exactement. Oui. C'est ça, parce qu'avant, c'était scénario et même à la réalisation, des fois, il n'y avait absolument rien là, pendant une certaine époque. Là, la réalisation, il passait aucun message, puis il faisait juste montrer des images quasiment plan large, comme si on était en train de regarder une pièce de théâtre. Là, ouais, c'est ça. Hitchcock a énormément été inspiré d'Eisenstein, parce que Eisenstein, sur son plateau, son storyboard, c'était son film. Puis Hitchcock s'est énormément inspiré de ça. Ben, la caméra est devenue plus mobile. Eisenstein en après-midi de même, là. Oui. Et puis, tu sais, quand tu fais juste écouter du monde comme Chaplin, tu sais, qui a commencé avec ses films, ses plus courts-métrages, que c'était ça, c'était des caméras fixes. Puis, il en est venu, justement, avec des trucs un petit peu plus élaborés. Puis, même, justement, à faire des trucs de montage, à mettre des images en superposition, comme au début des temps modernes, où il va mettre un paquet de moutons blancs. Puis à travers, il y a un mouton noir, puis ça va faire un fade-out avec, plutôt un cross-fade avec un paquet de d'employés qui rentrent à l'usine, puis à travers de Chaplin, tu sais. Puis là, tu fais comme, OK, lui, il est le mouton noir de la gang, là, tu sais. C'est ça. C'est toute une gang de moutons qui s'en vont travailler. Si t'avais pas eu du monde comme Eisenstein, des idées comme ça auraient peut-être tardé plus à venir, ou en tout cas, t'aurais moins... T'as comme lui qui a été le débroussailleur. T'es carrément arrivé et qui a fait comme, tiens, moi j'essaye, là, j'y vais là, puis je me lance. Là. Mais en même temps, ça reste un film de propagande. Moi, c'est peut-être un peu ça que je trouve lourd. Le cuirassé Potemkin, c'est l'histoire de la révolution russe. Et ça passe, entre autres, par les matelots du cuirassé de Potemkin qui en ont marre de se faire avoir puis d'avoir de la mauvaise bouffe puis qui décident de mener la révolution rouge. C'est bien ça, la révolution rouge, et de s'en prendre au pouvoir en place. Mais tu sais, ça reste très moralisateur. T'sais, il a voulu créer une morale avec ses plans aussi, mais à un moment donné, c'est ça qui est lourd. Là. C'est propagande, puis ça devient lourd. Oui, mais c'est pour ça que... Écoutez-en 15 minutes, puis ça va être suffisant. Mais écoutez-le, vraiment. Vicky? Ah, je me pogne avec une gorgée de rosée. Je faisais part de mon russe. Moi, en fait, mes suggestions sont un peu poches, mais sont nécessaires. C'est que si vous voulez connaître plus sur la montagne de l'Oural qui a tué ses alpinistes, il y a deux documentaires vraiment le fun sur YouTube. Puis tu sais, c'est des documentaires genre Canal D Historia mal faits, mais on t'explique quand même qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis tu sais, il y a des remises en contexte. Tu sais, là, on refait la situation là, avec des acteurs un peu poches là, qui répètent quatre fois le même plan. Là. C'est pas très bon. Mais ça l'amène beaucoup de mystère. Puis pourquoi vous faites vraiment le mystère de la montagne de Dieppe, puis vous allez avoir les deux films. Pourquoi je vous dis les deux? C'est que il y en a un des deux que le mystère il est beaucoup plus élaboré, puis on fait de la reconstitution, puis on remet des gens, puis on explique vraiment qu'est-ce qui fait le mystère, mais on donne une solution vraiment de marde à la fin. Ça n'a pas rapport avec notre fin. J'allais dévoiler le spoiler. Ça n'a pas rapport avec notre fin, mais... C'est comme s'il y avait trois théories, puis celle de la fin, c'était celle-là, finalement. Mais elle est vraiment tirée par les cheveux, ça m'a fait chier. Ce qui m'a amené au deuxième documentaire, qui, lui, est moins élaboré, mais on laisse plus de suspens à ce qui aurait pu arriver. Fait que j'ai vraiment du YouTube. C'est poche, mais... Ça m'intéresse, ça. On va mettre les vraiment. Liens dans le billet de l'épisode sur le site. J'ai shooté Steven les deux films pour la reconstruction, là. Et GF? Oui, ben j'ai changé d'idée depuis avant le début de l'enregistrement. J'avais parlé de peut-être parler d'autres films d'Eisenstein comme Ivan le Terrible, que j'aime beaucoup, que je recommande aussi. Mais je vais y aller plutôt avec un film russe qui s'appelle I Am Cuba. Ben oui. Et t'en as parlé, ça, je pense, à un moment donné. Je t'en ai déjà parlé peut-être dans le bras de fer des films. Puis, Je note. I Am Cuba, c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Mikhail Kalatozov. Ça a été redécouvert dans les années 90 par... Scorsese puis Coppola. En fait, c'est un film de 1964. C'est un film russe qui se passe à Cuba. Mais ça a été perdu pendant quasiment 30 ans. Puis ça a été un assez gros happening, je pense, quand ils ont retrouvé ça. Puis ils ont décidé de le sortir ensemble, Coppola puis Scorsese. Eux autres étaient vraiment fans de ça. Ils l'avaient vu quand ils étaient jeunes. Puis en gros, c'est un film, c'est considéré comme un poème épique sur le peuple cubain dans le temps du, je pense, c'est le président Batista. Puis que le monde était opprimé, puis il était pauvre, tout ça. C'est comme une série de petites vignettes où on suit 4 ou 5 personnages principaux qui vont s'entrecroiser de temps en temps. Mais le gros attrait du film, puis moi, ça m'avait été montré dans un cours de cinéma, c'est les plans-séquences. Il y a des plans-séquences là-dedans qui durent peut-être 10 minutes des fois. Puis c'est pas du CGI, c'est pas le film Gravity, là, tu sais. C'est pas des affaires... c'est des affaires chorégraphiées, mais c'est pas fait par ordinateur. Tu vas voir la caméra des fois qui va partir du haut d'un building à plusieurs étages, qui va descendre sur des ascenseurs ou je sais pas trop quoi, et qui va se ramasser finalement à la fin de la... après 10 minutes dans le fond d'une piscine. Puis à l'époque, c'était pas évident, les caméras, t'es pas vraiment sous-marine, puis tout. Mais il y a toutes sortes de... C'est toute vraiment une série de quasiment de plans-séquences, puis c'est vraiment trippant. Si vous êtes un fan là, de cinéma visuel et technique et tout ça, là, ça vaut vraiment la peine. I Am Cuba. Oui. La version que j'ai sur DVD, c'est filmé, je crois, si je me trompe pas, en russe. Puis par-dessus, t'as une voix en espagnol. En tout cas, t'as des sous-titres en anglais, fait que tu peux suivre les sous-titres, là, parce que le son vient fucker un peu, parce que t'as deux voix tout le temps que t'entends, là, mais... Les plans-séquences là-dedans donnent un coup dans chenol à n'importe qui pense qu'il est capable de faire des plans-séquences. Oh, oui. Sérieusement, là, côté... Peut-être pas côté scénarisation ou quoi que ce soit, mais côté faisabilité, tout ça, là. On pense à un temps où les caméras pesaient 30-40 livres. Exact. Puis ça puis passe d'un toit à l'autre, à un moment donné, au-dessus d'une rue. Ça passe au-dessus d'une rue, ça passe à travers un building. 20 pieds dans les airs, ouais. Puis après ça, ça c'est continue malade. En surplombant une parade. Écoute, c'est complètement mongol. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas le rythme, là, parce que ça reste que côté c'est rythme, c'est un film qui est très, très lent. Là, mais, c'est 2h20. Dès qu'on aime les prouesses du cinéma, c'est un film qui est à voir. Je suis vraiment content que tu aies parlé de ça, Jim. Good. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Pour ceux qui ont de la difficulté à le trouver, là, sur YouTube, il y a certains de ces plans-séquences-là qui sortent. Oui, parce que je pense que ma copie DVD est rendue chère sur Amazon, mais je ne sais pas. Oui. Oui. Veux-tu m'en rendre pour 5$, Jeff? Non. Je le savais. Écoutez, super. Plein de suggestions vraiment, vraiment intéressantes. Puis, pour le prochain épisode, bon, Vicky, tu étais en train de discuter d'affaires, mais... On a le sujet pour le prochain épisode. OK. hey, ça va être une surprise pour moi. OK, go, c'est quoi? On se fait au cinéma. Il va falloir que tu ailles voir au cinéma. Ouais. Parce que Jeff, moi, on a vu Conjuring 2. OK. Et on s'est dit, on en partit dans l'horreur gamer. Oui, il faudrait trouver un prétexte. Et on se fait un spécial James Wan. On va écouter Conjuring 2 et Dead Silence pour voir en 10 ans qu'est-ce que James Wan a fait comme... Évolution. Comme évolution. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Dead Silence, qui est peut-être un de ses aimés, mais comme tout le temps celui que le monde oublie. Qui foutait la trouille à pierre. Ben, qui foutait pas juste la trouille à pierre. Ah, ouais, c'est ça. j'aime beaucoup... Est-ce que tout le monde a vu Dead Silence? Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, moi aussi. Quand j'ai vu le début, l'acteur principal me tombait ses membres, j'ai arrêté. Mais c'est Wahlberg! Il fait quoi déjà? True Blood! Ah, c'est ça, il m'énervait. Bon, ben là-dessus, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou on a fait le tour? Faites le tour! Vous autres, les gars, votre prochain épisode? Ah, prochain épisode, on va faire un spécial Indépendance des deux bientôt. Puis sinon, le prochain épisode aussi, ça va être West Side Story versus le dernier film du même réalisateur, de Robert Wise, qui s'appelle Rooftops. Puis apparemment, c'est un gros flop. Fait que je suis bien curieux de voir ça. Hey, puis d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs d'aller écouter votre épisode que malheureusement, j'ai pas pu vous suivre parce que j'ai manqué de couilles pour écouter Mars Attack. Mais je suggère à nos auditeurs d'aller écouter l'épisode que vous avez fait tous les trois, plus. Chantal, ta copine Steven, puis Sylvain Demanti d'Horreur Web sur Indépendance Day et Mars Attack. Ça vaut la peine. Puis, sinon, Vicky, J'allais dire, tu mets pas de gros bébé sur ton écran, c'est ton site. Tu t'enlèves le gras de ses chaises, ouais, c'est ça. C'est ça, je mets du gros ses chaises, tes mains, ça fait vrai tout sur mon écran. Quoique j'écoute des films avec mon ordi, fait que j'ai comme mis un petit peu de vernis, là. Bouton power. J'ai mis du vernis sur mon bouton power, puis là, je l'ai full frotté parce qu'il était collé. C'est vraiment collant, du vernis à plancher. Ben écoutez, les amis, je pense que ceci clôt notre épisode. J'espère que vous avez aimé ça, chers auditeurs, et j'espère que on se retrouve dans 2 semaines pour ce spécial James Wan. Sur ce, Steven, au revoir. Au revoir, Monsieur Sébastien. Jean-François, au revoir. Au revoir. Vicky, au revoir. Hello. Et gardez ça rare, tout le monde. Bye bye. Bye. Il a fallu le trouver en russe, le garder sans rire. Ah, oh, man! La recherche, de... Finalement, ça a sonné Sprouts! Sprouts!